et on a dû utiliser de subterfuges extraordinaires pour rentrer tout notre matériel sur la place. Oui, voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Donc, vous l'avez peut-être compris, c'est Edgar Morin, notre invité. Vous êtes ici en tant que philosophe, en tant que citoyen, sociologue, en tant que militant, à Nuit Debout. Bah, écoutez, moi je suis quelqu'un qui est très frappé par la signification de ce qui se passe. Et dans le fond, cette place de la République, ça ressuscite ce qui existait dans les anciennes cités comme Athènes ou comme Rome. Il y avait le forum, il y avait l'agora et la place publique. Et dans le fond, où les gens, les citoyens parlaient et discutaient. Et ce qu'il y a, c'est que ça avait totalement disparu ici. Ça n'existait plus, on ne se parlait plus. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un lieu où les citoyens, quels qu'ils soient, retrouvent la parole. Et on voit ce besoin de parole depuis que ça a commencé. Le besoin de s'exprimer, le besoin de questionner, de s'interroger. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un phénomène tout à fait positif, et de réveil, qui coïncide d'ailleurs avec d'autres mouvements de réveil qui sont très dispersés, comme Alternativa, comme les Colibris, comme les Convivialistes, etc. Il y a beaucoup de mouvements qui, dans le fond, ont les mêmes aspirations. Et c'est-à-dire que si on est là pour parler, bien entendu, c'est aussi que s'expriment des aspirations qui sont très très fortes, de plus en plus fortes dans notre pays, et puis je dirais même dans le monde, mais dans notre pays. C'est-à-dire que nous sommes dans une société ou une civilisation où la domination du profit, de la finance, du calcul, de l'anonymat, sont de plus en plus puissantes. Et d'où ce besoin de résister pour de la convivialité, pour la réalisation de ça, pour la communauté, pour des choses. On sent très bien que partout, c'est les mêmes aspirations et les mêmes révoltes qui s'expriment différemment. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une liaison entre tous ces mouvements qui existent en province, qui sont dispersés, et ce qui existe ici. Et alors ici, parce qu'il y a donc non seulement une parole qui est libérée, mais une volonté aussi de comprendre, de questionner. Il y a des commissions, on s'interroge sur les grands problèmes. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'une pensée. Parce qu'il n'y a plus de pensée en politique, on est à la remorque de l'économie libérale. Alors donc, on veut trouver un chemin. Et moi, je pense que si dans beaucoup de domaines, il faut encore chercher et discuter, il y a des domaines qui semblent clairs. Par exemple, sur la question écologique, il me semble clair que non seulement il faut tout faire pour éliminer les sources d'énergie sales et pour avoir des sources d'énergie propres, mais non seulement, évidemment, lutter pour la biodiversité, etc., mais aussi faire reculer l'agriculture industrialisée, l'élevage industriel, qui sont parmi les problèmes écologiques les plus importants, parce que non seulement les sols sont pollués, on y détruit toute vie, on y met des pesticides, on nous donne des produits standards insipides et en plus de mauvaise qualité, peut-être nocifs, et encore plus vrai pour l'élevage, la volaille, les cochons. Là-dessus, et sur toute la planète, on détruit les terres qui étaient auparavant fermières. Et aujourd'hui, il faut défendre pas seulement l'agriculture écologique, mais l'agriculture fermière. Et tout ça est très important aussi, parce que ça veut dire chez nous, les citadins, une réforme de la consommation, qu'on achète plus des produits issus de l'agriculture industrielle, qu'on profite des AMAP, des commerces de proximité, des moyens de liaison avec les producteurs. Il y a toute une révolution à faire que les citoyens, eux, peuvent commencer sans avoir besoin de l'État. Au contraire, puisque l'État, aujourd'hui, il est contre tout ceci. Et donc, moi, je pense que ici, peut-être, est en train de naître, avec le concours des autres associations, si vous associez, quelque chose qui va, peut transformer en profondeur. Je ne dis pas qu'on est sûr de réussir. Mais on essaye au moins. On peut échouer aussi, on peut... Mais il est évident que c'est la bonne voie. Et ici, ce qui est, je trouve, de remarquable, c'est que il y a un processus d'auto-organisation qui s'est plus ou moins régulé et qui a résisté aux deux forces de destruction coalisées qui sont les policiers et les casseurs. Donc, ils sont ennemis, mais en même temps, ils collaborent, bien sûr. Mais vous avez réussi. Aux forces aussi de désintégration interne, vous ouvrez la discussion, vous n'arrivez pas au conflit. Donc c'est très bien, mais c'est un début. La route est longue. Moi je crois qu'il va falloir, dans cette route-là, comprendre que nous devons changer de voie. Et changer de voie signifie pas seulement pour la France, ça signifie aussi la voie de la mondialisation. Mais voilà, partout où il y a des peuples, où on commence à prendre conscience aussi, alors pour sauvegarder les mêmes valeurs, pour se défendre contre les mêmes périls, qui sont écologiques, qui sont nucléaires, qui sont etc. Donc, et je pense que ce qu'il faut avoir, et qui jusqu'à présent n'existe pas encore assez, c'est la conscience de cette solidarité planétaire, humaine, parce que nous avons partout les mêmes problèmes, les mêmes dangers, et nous devons, à ce moment-là, nous sentir fraternels de tous les autres. Vous savez, dans le temps, il y avait les internationales. Aujourd'hui, nous sommes, que nous le voulons ou non, nos citoyens de la Terre. Nous devons garder nos patries, nos nations, nos provinces, mais nous avons cette chose commune. Et donc, et je pense que là aussi, il faut s'associer au même mouvement qui, dans les autres pays, sont en train de se former pour faire une force aussi bien française qu'une force européenne et plus largement internationale. Donc, moi, je suis très content d'être ici parce que, déjà, vous avez gagné dans la durée. Vous avez pu résister, vous avez pu continuer. Mais je le répète, il faut faire... C'est très difficile de faire un effort de repenser de tous les problèmes qui se posent. Moi, je pense qu'il faut partir de quelques propositions qu'il faut discuter. On ne peut pas commencer à discuter en l'air. On discute sur... D'ailleurs, il y a une commission écologique qui a élaboré un texte. Alors, voilà un texte qui mérite la discussion. Mais je crois qu'un peu, sur tous les problèmes, il faut avoir un texte préparatoire et qui sera discuté. Et bien entendu, moi, je suis prêt à apporter mon concours. Si le besoin se fait sentir, si l'appel se fait sentir, à ce qui se passe ici. Justement, il y a une question ici, c'est la place des sachants, qu'on peut entendre parfois. L'idée que peut-être il faut redéfinir le savoir, pas forcément passer par un biais de connaissances universitaires, et que peut-être que vous veniez ici en tant que citoyen aussi apporter votre connaissance. Ça vous intéresse, ça, l'idée de redistribuer un petit peu les cartes de la connaissance, les cartes du savoir? Oui, vous savez, ce problème de la connaissance, il est d'un côté la connaissance que donne l'université, plus largement l'enseignement, est une connaissance fragmentée. On a des connaissances séparées de la discipline, la psychologie, la sociologie, l'histoire, etc. Et alors, dans le fond, l'école, l'université ne donne pas le moyen de voir l'ensemble des problèmes, les problèmes globaux. Le problème de la mondialisation, il est coupé en petits morceaux, et les politiques, ils se réfèrent à leurs rapports d'experts qui sont insuffisants parce qu'ils sont aveugles sur ce qui se passe ailleurs. Donc il faut une réforme de l'intelligence et de la pensée. C'est pas dans l'université qu'on la fera, mais c'est à côté. Et dans le fond, ce que j'ai appelé la pensée complexe, c'est justement essayer de comprendre tous les aspects d'un problème pour essayer de le traiter. C'est de ne pas avoir une vision unilatérale, une vision mutilée, une vision fanatique. Et dans le fond, il faut penser notre temps. Il faut dire que dans le passé, ceux qui étaient dans des luttes sociales, ils se référaient à des œuvres de pensée. Et les socialistes, c'était Marx, c'était Proudhon. les gens de droite, c'était Tocqueville, c'était Maurras. Il y a toujours des gens qui pensent et à partir desquels on fait des choses. Aujourd'hui, il n'y a plus de pensée et c'est cette pensée qu'il faut reconstruire. Moi, de mon côté, je m'essaye de faire ce que je peux avec mon travail sur la voix, etc. Mais il ne faut pas une personne seule, il faut qu'on soit plusieurs à comprendre qu'à travailler pour trouver la voie nouvelle. Parce que je répète, l'impératif, c'est il faut changer de voie. Nous allons vers toute une série de catastrophes si nous continuons, pas seulement l'écologique, pas seulement la multiplication des bombes, des armes nucléaires, mais aussi la domination aveugle de la finance qui vit dans l'immédiat du profit, mais aussi dans la crise mondiale, les fanatismes qui se déploient de tous les côtés. Il y a quand même un problème fondamental à examiner et nous devons donc nous former à tout cela. Merci beaucoup. On va continuer à discuter avec vous, Edgar Morin. On va écouter un petit peu l'AG qui a lieu juste derrière nous. Autoritariste de régime capitaliste aux abois qui doit conduire à la convergence des luttes. Souvenez-vous de l'été 2014. Alors que les bombardements israéliens à Gaza faisaient 2500 morts en 50 jours, des manifestations étaient interdites en France, seul pays à prendre ces mesures. Ces manifestations dénonçaient le soutien explicite de notre propre gouvernement aux exactions commises à Gaza. Aujourd'hui, nous voyons que la répression ultra-violente subie par les manifestants il y a 2 ans préparait celle que vous connaissez toutes et tous aujourd'hui. C'est la même violence d'État qui vise ces jours-ci les manifestations soi-disant autorisées contre la loi travail et qui vise la nuit debout. Dans un contexte d'état d'urgence sans cesse reconduit, nous appelons à la défense et à la protection de nos libertés fondamentales. Ici en France, la liberté d'expression, la liberté d'association, de réunion, la liberté de manifester. Nous appelons à la défense et à la protection du droit au boycott, c'est-à-dire notre droit à la solidarité avec les 170 associations représentatives du peuple palestinien qui se sont adressées aux sociétés civiles du monde entier en lançant la campagne du boycott des investissements sanctions BDS jusqu'à ce qu'Israël se conforme au strict droit international, la fin de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens, la levée du blocus de Gaza, le démantèlement du mur d'annexion et d'apartheid, l'égalité des droits des Palestiniens d'Israël, le respect et la mise en œuvre du droit au retour des réfugiés. Nous dénonçons la criminalisation de l'appel au boycott du régime israélien d'apartheid, tout comme nous dénonçons le recours systématique à l'accusation d'antisémitisme qui a pour unique objectif de faire taire et délégitimer cette campagne internationale antiraciste. Le choix de nos dirigeants de soutenir l'impasse mortifère des gouvernements israéliens successifs doit pouvoir être contesté et confronté politiquement, d'autant que la diplomatie française ne s'est toujours pas exprimée à ce sujet, comme le fait le gouvernement actuel. La campagne BDS n'accrédite donc sur cette question aucun des clichés complotistes et conspirationnistes qui sont par construction antisémites. La commission Palestine toujours debout réfute également et condamne l'idéologie guerrière et fondamentalement raciste qu'est la thèse du choc des civilisations. Cette vision tronquée du monde sévit sous une forme de plus en plus ouverte et revendiquée au sein même de la société française. Excusez-moi. C'est elle aussi qui conduit à parquer les migrants dans des camps aux frontières de l'Europe, camps dont on sait qu'ils seront bientôt des cimetières à ciel ouvert. Dans ce cas, comme dans le cas du peuple palestinien, c'est le droit international, l'égalité et la justice qui sont bafoués. Plus que jamais, nous affirmons la nécessité de la convergence des luttes et nous invitons dès la fin de cette intervention à bien vouloir nous rejoindre à la commission Palestine Debout. Merci beaucoup. On entendait donc la commission Palestine Debout à l'instant. Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là ? Question de la Palestine, est-ce que vous avez un avis ? Sur la Palestine, est-ce que vous avez un avis sur ce la Palestine? Oui. Ah ben écoutez, c'est un problème extrêmement important parce que c'est un cancer qui ronge le monde. Cette situation de colonisation qui s'aggrave est telle que non seulement ça frappe, ça humilie tous ceux qui sont arabes et musulmans, mais ça fait que non seulement ça transforme les juifs qui ont été persécutés pendant des siècles d'histoire en persécuteurs, mais je pense que il n'y avait pas d'antisémitisme, disons racial, chez les Arabes, puisque les Juifs étaient des sémites comme eux. Israël a développé de l'anti-judaïsme dans le monde arabo-musulman a développé un sentiment anti-arabe dans les juifs français et dans d'autres catégories de français. Moi, je pense que la Palestine, vaincue aujourd'hui, étouffée, parce que personne ne s'en occupe plus, les pays arabes se déchirent. Elle est livrée entre les mains, dans le fond, du gouvernement israélien. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est actuellement vaincue. Il faut se rappeler le problème de la Palestine. Moi, je fais partie du comité de vigilance pour le Moyen-Orient et je suis extrêmement sensible à ça. Je vois que c'est une chose qui s'est aggravée d'une façon terrible et dans le fond, on veut la noyer aujourd'hui dans la tragédie générale du Moyen-Orient, mais elle se trouve au départ de la tragédie du Moyen-Orient. Ici, on entend bien que les commissions ne parlent pas uniquement de ce qui se passe place de la République. On évoque des problèmes plus larges. D'après vous, c'est indispensable d'avoir une solidarité à l'échelle mondiale et pas uniquement à l'échelle de notre pays, de notre ville, de notre communauté ? Eh bien, je pense que c'est très bien parce que nous ne sommes pas en vase clos. Non seulement nous faisons partie du processus de mondialisation, mais nous le subissons et nous pouvons nous-mêmes avoir notre influence. Donc je pense qu'à cette époque de l'interdépendance générale, il faut être conscient de tous ces problèmes-là. Il faut avoir des idées sur l'Europe qui malheureusement a fait faillite sur le plan humain et sur le plan moral. Et il faut penser qu'il faut transformer la mondialisation, c'est-à-dire tout ce qui est positif, tout ce qui est les échanges culturels, tout ce qui est les bénéfices techniques et économiques qui viennent de l'Occident doivent être répandus. Mais il faut penser aussi que chaque civilisation a ses trésors de culture, que beaucoup de civilisations ont des solidarités que notre développement à l'occidental détruit parce qu'il introduit le règne de l'argent et du profit et de l'égoïsme, que dans ces civilisations, il y a des médecines qui sont valables et peuvent collaborer avec la médecine occidentale, qu'il y a des valeurs de respect d'hospitalité qui existent. Enfin, je pense, si vous voulez, que la vraie mondialisation, ce n'est pas d'imposer le modèle occidental sous le nom de développement, c'est de faire la synthèse, la symbiose de ce qu'il y a de meilleur dans ces civilisations et dans ce qu'il y a de meilleur de ce que nous pouvons apporter. Et je pense aussi que c'est une folie de vouloir toujours tabler sur la croissance, qu'elle soit nationale ou mondiale, etc. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent décroître et d'autres qui doivent croître. Ce qui doit croître, c'est évidemment une économie écologisée, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui doit décroître, ce n'est pas seulement l'industrie de guerre, mais c'est aussi l'économie de la frivolité, des objets qui ne servent à rien, de ces boissons sucrées que la publicité fait goûter aux enfants. Il y a tellement de consommation absurde et inutile. Il y a beaucoup de choses qui doivent décroître. Et donc, je pense qu'il faut repenser tous les dogmes sur lesquels on vit et la mondialisation. On fait partie. Vous évoquiez tout à l'heure comme référence éventuellement l'agora grecque. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'équivalent au XXe siècle de ce qui se passe en ce moment à Nuit Debout, qu'on a atteint un nouveau point de non-retour civilisationnel ? Moi, je pense que c'est vrai. Ce qui est ici est très original parce que, d'abord, c'est vrai qu'ici, c'est un mouvement où la jeunesse a eu un grand rôle, mais on voit des âges, des gens de toutes conditions et de tous âges. On voit que, si vous voulez, finalement, c'est vrai que dans le monde actuel, que je le répète, dominé par la finance, par ce qu'on appelle le libéralisme économique, par ce qui semble à ceux promoteurs qu'ils présentent comme une loi naturelle à laquelle on ne peut pas désobéir, eh bien, il y a eu quand même Los Andinados en Espagne, Silver Podemos, il y a eu Occupy Wall Street aux États-Unis. Il y a partout la même aspiration qui prend des formes diverses. Ici, elle a pris peut-être la forme la plus intéressante parce qu'elle a en quelque sorte pris un territoire éminemment symbolique, puisque c'est la place de la République. Elle a réussi à y rester, à y durer, et à faire en sorte que ce mouvement vivant puisse lui-même féconder d'autres mouvements, d'ailleurs en province, en banlieue et dans d'autres pays. Donc je pense que la formule « debout » est la nouvelle formule, je crois, qui est très importante. C'est une formule d'éveil. Réveillons-nous. On avait l'impression que les gens étaient léthargiques, étaient abrutis, n'avaient plus de réaction. Là, nous voyons au contraire que c'est le réveil et de la pensée et de l'action. Merci beaucoup. On va écouter à l'instant Bruxelles qui a quelque chose à nous dire, je crois. Oui. Je vais juste le présenter un tout petit peu parce que c'est des sons que nous ont envoyés deux jeunes gens de Bruxelles, d'une nuit debout qu'ils ont passé là-bas, qui s'appellent Caroline et Pieter. Et on a voulu les diffuser dimanche soir, ces sons-là, mais on a été, comme pas mal de gens le savent, on a dû finir l'émission un petit peu plus tôt parce qu'il y a eu des lacrymos, il y avait beaucoup de vent. Donc toute la radio a dû s'arrêter autour de 22h alors qu'on pensait pouvoir aller jusqu'à minuit. Donc il y a beaucoup de reportages qui n'ont pas été diffusés à ce moment-là, qui devaient l'être entre 22h et minuit. Et là, on part tout de suite à Bruxelles. Qu'est-ce qui est important dans le ménage ? La femme ? La femme ? Bon, moi je dirais que ce n'est pas l'argent, parce qu'on ne bouffe pas l'argent. Hein? Donc l'économie maintenant c'est basé, si on dit « Ah, ce n'est pas bon pour l'économie », c'est ce que ce n'est pas bon pour le total de l'argent qu'il y a. Mais pour moi, ce qui est important dans le ménage, c'est on a à manger, on a comme la pyramide de Maslow, peut-être quelqu'un parmi vous connaît ça, hein, ces besoins-là. Et aussi, bien sûr, le plaisir. Hein, mais est-ce qu'on peut avoir le plaisir avant qu'on ait une maison? Est-ce qu'on peut... Ouais, il y a des gens qui disent, ouais, c'est bon. Mais je dis, l'économie doit être basée sur ça. L'économie, c'est un truc moral, c'est pas quelque chose de calculation, de finance, en fait. Finance n'a rien à voir avec l'économie. C'est mal utilisé ce mot. Donc, si on dit, on doit avoir une nouvelle usine de Coca-Cola ici parce que ça va rapporter d'emplois, moi je dis non. On peut faire un autre Coca-Cola, on peut l'appeler Belgia-Cola, moi je m'en fous, tu vois. Ça va apporter plus d'emplois parce que c'est moins efficace dans leur terme, mais c'est plus efficace dans notre terme parce qu'il y aura des gens qui ont du boulot. Tu vois? Et moi, en fait, je suis contre le travail, donc voilà. Mais je dis ça pour vous. Hein? Hey, voilà. Moi, je m'appelle Corentin Delpierre, je suis prof de danse, d'expression corporelle, je suis chorégraphe danseur. Et donc voilà, et donc moi, si je viens ici, là-bas, je suis pas quelqu'un de très engagé, mais par contre, je me tiens au courant depuis plusieurs années en lisant des articles, en me tenant au courant, en surveillant mes sources sur ce qui se passe localement et dans le monde. Et dans ma vie de tous les jours, j'essaie de faire attention à comment je consomme, à comment est-ce que je suis avec les gens, à avoir un métier qui a du sens, je pense à tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et là, il y a ce côté nuit debout qui s'est lancé. Ça m'a attiré, pourquoi? Parce que c'était indéfini dans le temps. C'est quelque chose qui continue. C'est pas juste une manif, on rentre chez soi. Ça continue de jour en jour ou bien de fois en fois. Mais voilà, les gens sont là, sont présents. Le citoyen se réapproprie la politique et l'espace public. Des questions sont posées. Voilà, et tout ça se mélange vraiment. Moi, je pense que c'est très riche déjà aussi. Création de tissu social. Qu'est-ce que ça manque actuellement? Se voir en vrai aussi. Se sentir, se parler, se rencontrer. C'est ça qui fait que je suis là et que j'ai envie de continuer à être là. Vous savez qu'il y a plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y en a plus de 2 milliards qui n'ont pas des structures d'assainissement correctes. Et voilà, et c'est une des, je crois que c'est la première cause de mortalité dans le monde. En fait. Voilà. Aïkbanan, Darya Balakda, Garmik Abdada Bekalap Gamima, Sazvanam. Sazvanam. êtes donc sur Radio Debout. On écoutait à l'instant un petit reportage en direct de Bruxelles. L'ambiance est particulière ici. Les gens sont plutôt très contents de voir qu'Edgar Morin est avec nous. Il y a quelqu'un qui vient de déposer un livre. On va continuer à discuter. Charles, tu es avec nous. Tu participes donc à Nuit Debout depuis longtemps. Oui. C'est toi qui as fait les démarches nécessaires pour que Monsieur Morin vienne discuter. Oui, j'ai envoyé un message. Je suis très content qu'Edgar Morin soit là, à Nuit Debout. Notamment parce qu'il a développé cette idée dont on parlait juste avant de pensée complexe. Je trouve que c'était typiquement le genre de pensée dont on a besoin ici, parce que c'est un projet qui voit le jour, qui a plusieurs visages, il y a des aspirations, des idéaux différents qui s'imbriquent, qui se mélangent. Et justement, je trouve que devant ça, devant cette situation un petit peu plurielle, avec des voix, on parlait de voix, en fait, ici, il y a plusieurs voix qui émergent. On a besoin justement de ce type d'approche pour appréhender la complexité, cette pensée complexe justement. Et je pense qu'il est très important que, pour moi, que vous en ressentiez ce besoin, parce que nous sommes victimes des pensées unilatérales. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'un aspect des choses, le bon ou le mauvais, mais on ne voit pas le reste. On est victime des pensées manichéennes. On a pensé que d'un côté, l'empire du bien combat l'empire du mal. Et chacun pense qu'il est l'empire du bien. On est victime d'une pensée idéologique, c'est-à-dire qu'on croit que l'idéologie, c'est la réalité. On prend l'idée pour la réalité et l'idéologie masque le réel. Et dans le fond, la pensée complexe, c'est ce qui nous amène à mieux comprendre que les hommes, la vie est beaucoup plus riche et pleine de contradictions qu'il faut savoir y confronter. Je cite souvent cette phrase de Hegel, le philosophe, qui dit « Si moi j'appelle quelqu'un de criminel qui a fait un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa vie pour ne le retenir que ce crime. » Nous devons, et alors aujourd'hui, ces pensées toujours unilatérales, elles règnent. Les économistes croient que tout obéit aux chiffres. Or, malheureusement, le calcul, il ne connaît pas la souffrance, la joie, le bonheur. Et on croit connaître la société avec du PIB, avec de la croissance, avec des sondages d'opinion, avec du calcul. Ça, c'est une pensée qu'il faut éliminer. Il faut céder du calcul, mais il faut essayer d'avoir une vision du monde. Malheureusement, dans le monde, les choses sont enchevêtrées, sont embrouillées. Il faut le justement, parfois ici, on sent que c'est un petit peu cloisonné parfois. Donc oui. Cette idée de pensée complexe, ça peut aller au-delà. Ça peut penser globale en fait. C'est-à-dire, bien sûr, c'est la pensée globale, c'est de voir la relation entre le tout et les parties et le tout. Parce que c'est pas seulement le tout qui influence les parties. Parfois, un événement qui se passe dans une partie va transformer le tout. Et donc, c'est ça cette situation qu'il faut suivre, notamment dans le monde. Et je crois que, dans le fond, c'est une réforme de l'éducation qu'il faut promouvoir. Et pour le moment, il faut que chacun comprenne que les modes de pensée qu'il a hérités sont des modes insuffisants. Et d'ailleurs, il faut qu'on comprenne que quand on prend une décision, on fait un pari. Il ne faut pas croire qu'on va réussir. Toutes les grandes erreurs des politiques, c'est d'avoir pris des décisions de faire une guerre sûre de la victoire et qui les a conduits à la défaite. Donc, si vous voulez, la complexité, c'est de savoir que les circonstances transforment le sens de l'action. Qu'on croit agir dans tel sens et que parfois l'action revient sur votre tête en boomerang et aboutit au contraire. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi. Les gens sont un petit peu impressionnés du fait que vous soyez là, monsieur Edgar Morin. Avec nous, Anara est là, il est Touareg, il a une question à vous poser à vous. Bonsoir Edouard. J'ai toujours été impressionné par vous depuis mon enfance. Je suis Touareg, je viens du Niger. À l'âge de 5 ans, les gendarmes sont venus me prendre pour m'envoyer à l'école. Et de ma famille, était nomade toujours. Et je ne comprends pas toujours ce que m'a apporté l'école. elle m'a apporté les savoirs, la connaissance, mais elle m'a démuni de certaines choses de ma culture. Et j'ai toujours été admiratif de vous. Je suis ému de vous avoir là en face de moi. Et je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la vie du scarabée? Du scarabée? Le scarabée qui se promène sur les dunes du Sahara. C'est une vraie question. De l'insecte scarabée? L'insecte. Ben, l'insecte scarabée, je pense qu'il est très familier parce qu'il se pose sur ma main. Il n'est pas gêné par ça, il n'a pas peur comme la mouche. Je pense qu'on peut avoir des rapports amicaux avec un petit scarabée. Alors, ce scarabée-là, c'est le seul qui résiste aujourd'hui à la radiation des Areva. C'est un animal incroyable. Hein. Les Touaregs, ils meurent au nord Niger. Les scarabées, ils résistent. Qu'est-ce qui fait ça? Ah ben c'est très bien, moi j'ignorais ça. Écoutez, mais moi j'ai toujours eu des sentiments de sympathie pour les scarabées, alors ça va. Mais vous, à l'école, vous savez, moi j'étais à l'école, mais une partie de mon éducation, je me la suis faite moi-même en lisant des livres, en trouvant des auteurs, et ce sont les livres que j'ai lus qui m'ont révélé mes propres vérités. Et dans le fond, il faut pas seulement apprendre, avoir le savoir de l'école, mais chercher soit chez les écrivains, les auteurs, les philosophes, ceux qui expriment vos vérités, les vérités que vous cherchez. Parce que quand vous trouvez l'auteur qui exprime ce que vous cherchez, vous avez l'illumination. Et moi, c'est ça qui m'a formé surtout. Donc, je suis ému, hein, je suis toujours ému, mais j'avais une autre question. Une dernière question, donc, pour... Une dernière question. Enfant du Sahara, on m'a mis à l'école. On m'a mis à l'école pour apprendre à parler français, ce que j'ai bien fait. J'ai fait des études à l'université et tout ça. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que l'école apporte comme spécificité? Qu'est-ce que ça m'a apporté en voyant la différence entre moi et mon père, qui n'a jamais été à l'école? J'ai l'impression qu'il a beaucoup moins de besoins que moi, qu'il est beaucoup plus libre dans sa tête et dans son esprit que moi. Qu'est-ce que vous me répondez sur ça? Ben, vous savez, dans des civilisations où il n'y a pas l'écriture, où les gens ne savent pas lire, mais où il y a la culture et de tradition orale, il peut y avoir une sagesse et un art de vie, parce qu'à l'école, vous n'apprenez ni l'art de vivre. D'ailleurs, je trouve que notre école n'enseigne pas à affronter les grands problèmes de la vie. Donc, moi, je pense qu'on peut trouver chez des gens qui n'ont pas acquis l'éducation plus de sagesse, plus de sens de la vie que de ceux qui ont appris l'école. L'éducation, ce n'est pas seulement du savoir qu'on accumule, c'est quelque chose qui peut vous aider à mieux vivre et à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre les autres. Si ce n'est pas l'école qui vous donne ça. C'est votre propre expérience. Merci beaucoup, Edgar Morin. On va retourner écouter l'AG. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous allez continuer à écouter et à participer à Radio Debout. Quelqu'un vous embrasse sur le crâne pour vous remercier de votre présence. Merci beaucoup. Radio Debout, la radio qui n'est pas couchée. Bah parce que elle est debout, donc elle est debout. Elle résiste contre elle se dresse contre ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas. Radio Debout, la radio qui ne se couche pas. La radio. On est donc sur Radio Debout et on va écouter l'AG qui est en ce moment en direct, Place de la République. Il y a beaucoup de monde ce soir, et ça fait du bien. Je voulais juste vous dire que voilà, par rapport à la manifestation donc, qui va avoir lieu pour la police, on va faire une contre-manifestation. C'est un peu l'idée. Donc je pense faire une contre-manifestation d'une manifestation de police, sachant que nous on se plaint de ça. On se plaint que quand on fait une manif, on ne nous laisse pas tranquille. Est-ce qu'on va jouer le même jeu? Que pensera l'opinion publique après de nous? Encore, est-ce que ça ne va pas faire encore un truc à contresens? Donc moi, je suis contre la contre-manif. Donc je suis pour laisser faire passer l'orage. Voilà, c'est tout. Donc j'appelle la prochaine personne, Alain, voilà, à toi. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis membre de la commission Programmes et Perspectives. Alors, bien sûr, je suis d'accord, enfin, je suis ému même par ce qui a été dit avant sur les violences policières. Moi-même, j'étais ému de voir des flics arriver à Tolbiac au tout début du mouvement sans directement de frapper des jeunes de 20 ans, enfin des étudiants violemment. Je pense que, honnêtement, si demain on espère, enfin ceux qui sont ici régulièrement espèrent une révolution sociale, donc une remise en question du pouvoir de la bourgeoisie, je pense qu'il faut quand même être intelligent et regarder un peu ce qui s'est passé dans l'histoire ancienne où des militaires ont retourné leurs armes contre les exploiteurs. Se sont mutinés, même la Révolution française, hein, la Garde nationale s'est mutinée, il y a des militaires. Je pense que dans le cadre de cette manifestation de policiers, ce qui me paraîtrait plus intelligent que de scander « tout le monde déteste la police et abat les flics et les patrons », etc., à l'État, comme le font beaucoup de camarades du mouvement anarchiste, de dire aux policiers « mais comme ce qui s'est passé tout récemment en 2013 en Italie », alors j'ai retrouvé, excusez-moi un petit moment, visiblement à Turin en décembre 2013, il y a des membres de forces de l'ordre qui ont rejoint les manifestants anti-taxes qui protestaient contre le gouvernement, etc. Donc on peut leur dire, mais vous êtes issus, je parle pour les policiers haut gradés, comme pour les militaires qui sont issus de la bourgeoisie, mais la plupart des policiers de base, ils sont, y compris des militaires de base, ils font ça parce qu'ils n'ont pas de boulot et ils veulent un salaire, très concrètement, désolidarisez-vous, enlevez vos matraques, enlevez vos canons, l'outillage qu'ils ont pour frapper, et rejoignez les manifestants. Rejoignez votre camp social. Et c'est ça qu'on doit faire passer. Parce que sinon, on pourra toujours se plaindre pendant 10 ans ou dans 20 ans de se faire massacrer. Et même, il faut être clair, sans qu'une partie de l'armée conséquente rejoigne le camp de la révolution, elle sera défaite. Il faut inverser le rapport de force. Et moi, je propose concrètement qu'on réfléchisse à un tract envers les policiers pour les inciter à se désolidariser de nos ennemis. Et nos ennemis, c'est la bourgeoisie. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Alors, je ne suis pas certain d'avoir raison. Hein. Je soumets ça au débat, hein, quand je vous le dis maintenant. Mais je constate que récemment, en Italie, il y a des flics qui ont changé de camp. Et on doit... Évidemment, il y a beaucoup de flics qui sont influencés par le racisme, par les idées réactionnaires, par le Front National, ça c'est un fait. Mais au moins, il faut essayer. Voilà. Une opposition radicale a été soulevée. Rapidement, c'est à toi, oui. Très rapidement. Hein. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le plateau de Radio Debout. Et je voulais juste, grâce au chat, on nous a rappelé aujourd'hui que c'est l'anniversaire de la mort de Bobby Sands, qui est mort il y a 35 ans, donc le 5 mai 1981, après 66 jours de grève de la faim dans une prison en Irlande du Nord, alors qu'il demandait simplement la reconnaissance de son statut de prisonnier politique. Et il a écrit quelque temps avant sa mort, « J'étais seulement un enfant de la classe ouvrière, mais c'est la répression qui a créé l'esprit révolutionnaire de liberté. Je ne me résoudrai qu'à la libération de mon pays, jusqu'à ce que l'Irlande devienne une république souveraine, indépendante et socialiste. » Merci à Mike Tala et une pensée pour Bobby Sands aujourd'hui. Vous écoutez Radio Debout. Vous êtes debout. Vous écoutez Radio Debout. Radio Debout. Nous sommes debout. La radio, mais debout. Oui, retour au plateau de Radio Debout. Donc, ce soir, juste derrière notre emplacement, se tient la première réunion de la commission Média Debout, à laquelle ont participé les deux invités que nous recevons avec Pierre ce soir, donc Sophie Eustache et Julien Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez le projet de rédaction d'un manifeste, de manifeste de journalistes atterrés ou debout, pour lequel vous avez fait paraître un appel à témoignage auprès de vos consoeurs et confrères. Alors atterrés et debout, ça peut sembler paradoxal. Qu'est-ce qui vous atterre dans les conditions d'exercice de votre métier de journaliste aujourd'hui et qu'est-ce qui vous donne envie de vous mettre debout ? Alors déjà, c'est une précarisation quand même généralisée de un grand nombre de petites mains de la formation, donc les journalistes de terrain, les pigistes. Et voilà, et aussi la défiance des lecteurs, mais qui aussi se justifie par de la désinformation. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous atterre. Est-ce qu'on peut dire ce que vous faites chacun ? Vous êtes journaliste, mais vous pouvez préciser votre oui. Statut ? Bien sûr, moi je suis journaliste en CDD actuellement à l'usine digitale. Et moi donc je suis collègue de Sophie et je travaille pour l'usine nouvelle. Voilà. Et donc on a lancé cet appel à témoignage pour ce manifeste, vraiment pour justement sensibiliser aussi le public sur le fait qu'il y a une crise aujourd'hui dans le journalisme en général, le journalisme d'information, et qu'il faut absolument se réveiller pour proposer un modèle différent. Et partir d'un état des lieux où on constate donc une précarisation du métier, des pratiques qui sont incompatibles avec un traitement honnête de l'information. Et donc réunir des témoignages et puis ensuite préparer un projet différent pour les médias et la presse en France. Alors justement, vous avez publié donc un manifeste sur Internet où vous parlez... Un appel à témoignage pour écrire ce manifeste. D'accord, un appel à témoignage pour écrire ce manifeste, justement où vous parlez de toutes ces problématiques-là. Et justement, par rapport à cet appel à témoignage, est-ce que vous avez reçu des réponses pour l'instant et quel type de réponse à cet appel ? Oui, alors on a reçu des réponses de personnes qui nous disent merci, en fait, puisqu'elles se reconnaissent dans les situations qu'on a pu lister dans cet appel à témoignage. Et on donne très rarement la parole, en fait, à ces personnes-là, à ces métiers-là. Et donc, je pense que c'est intéressant de les entendre pour qu'aussi les lecteurs comprennent dans quelles conditions l'info qui leur est ensuite rendue sur papier est faite. Et qu'est-ce qui entrave aujourd'hui réellement les bonnes conditions d'exercice du métier de journaliste ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de questions qui figurent dans ce questionnaire ? Oui, bien sûr. Ben, nous, ce qu'on a noté un peu, c'est des pressions importantes pour une certaine productivité. Donc concrètement, c'est la production d'articles par jour. Pour des JRI, ça peut être un nombre de reportages à réaliser en un temps record. Et derrière cette productivité, il y a un temps de relecture qui est négligé. Il y a un temps de traitement important, de dialogue peut-être entre le journalisme et la rédaction en chef. chef qui est moins prioritaire et qui donc mène à certaines dérives parce que les journalistes restent des humains comme les autres et peuvent faire des erreurs. Normalement, il y a des mécanismes qui doivent permettre de corriger ces erreurs avant publication d'une information. Et aujourd'hui, on constate que trop souvent, il y a des erreurs qui sont commises. Et comme c'est sur Internet, comme on peut venir corriger ensuite les articles, et bah, la faute, le mal est fait, en fait. On le voit avec l'exemple récent du squat de lycée par des migrants qui a été dégagé. Et on a vu que le traitement de l'information a été complètement différent selon un média ou un autre. Et après, des correctifs sont publiés, mais si le public est désinformé, c'est pas sûr qu'ils reviennent au même endroit pour lire la petite note explicative qui explique une erreur. Voilà. Et vous constatez une défiance des gens à l'égard des médias ? Alors oui, essentiellement, moi je fais aussi de la photo, donc je couvre beaucoup de manifestations. Et je constate qu'on nous dit souvent « non, ne prenez pas de photos ». Je sais, il y a eu des témoignages de journalistes aussi, je pense à un pigiste de France 2 qui n'a pas pu faire son duplex, qui a été jeté dehors. Et je pense que cette défiance, elle s'explique par deux choses. Déjà, il y a quand même un phénomène actuel qui est le self-branding, c'est-à-dire que chacun peut devenir son propre média de communication avec sa page Facebook, avec son Instagram. Donc les gens veulent contrôler leur image. Et une autre raison à cette défiance, c'est que oui, il y a quand même des exemples réguliers d'infos maltraitées, de fausses informations, de doax aussi. Ces informations virales qui tournent mais qui ne sortent parfois de rien. Donc voilà. Et justement, comment est-ce que vous avez conscience, ou est-ce que vous, enfin, comment dire, à quel niveau vous pensez que les gens ont conscience de tout ce qui se trame derrière ça, du fait de ce que vous avez rédigé dans votre appel, c'est-à-dire des conditions de travail dans lesquelles vous exercez en ce moment ? Bah. Moi, je pense que voilà, il y a beaucoup. Enfin, nous, pour nous, justement, c'est presque difficile d'avoir l'image qu'ont les gens des journalistes, parce que forcément, nos amis sont au courant de ce qu'on fait, et nos amis journalistes font notre métier, donc ils savent aussi quelles sont les méthodes de production de l'information. Mais voilà, donc on entend beaucoup de choses de la part de la population qui sont parfois même proches des théories du complot, qui sont aussi entretenues d'ailleurs par la désinformation et par une baisse de confiance dans les médias, mais c'est presque comme si des fois les gens ont l'impression qu'on est proche des partis politiques ou du pouvoir en place ou des grands organes économiques, voilà, et ce qui est, enfin en tout cas moi je le vis au quotidien, qui est complètement faux, et j'assume mon indépendance totale en tant que journaliste. Enfin je veux dire, symboliquement il y a la carte de presse, mais je veux dire on peut être journaliste sans carte de presse, et pour moi on fait presque vœu de d'honnêteté et en essayant le plus possible de faire son travail correctement et honnêtement. Mais quand je parle de conditions de travail, du coup je parle de ce que vous essayez de donner comme exemple dans votre manifeste, dans votre appel, c'est-à-dire le fait que vous n'avez plus les moyens d'aller sur le terrain, le fait que vous êtes censuré par votre hiérarchie, etc. Tout ça. Est-ce que vous pensez que les gens ont globalement conscience de ça ou pas ? C'est dur parce que c'est vrai que l'information à propos des médias est aussi peu traité, donc on voit que par exemple il y a des licenciements économiques, des journaux qui ferment, et enfin c'est finalement très peu couvert par rapport à d'autres entreprises qui fermeraient, enfin moi je trouve personnellement. D'accord. Ok, on va enchaîner un petit peu sur l'assemblée générale qui se déroule derrière nous. Numérique, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@hackingdebout.fr. Ok, contact@hackingdebout.fr, premièrement. Ou deuxièmement, allez sur le chat, où là, il se passe plein de choses. Donc, c'est chat.nuitdebout.fr. C'est ouvert, vous venez, vous pouvez discuter à peu près de tout et n'importe quoi avec toutes les commissions. Voilà, merci. Voilà. Donc, je vais rappeler commission écologie, peut-être. Non. Commission peinture debout, non plus. Personne. International, commission internationale, non plus. Commission logement, non. On va passer au tour de parole libre, les amis. Donc vous pouvez tous vous inscrire auprès de mademoiselle qui est en train de noter avec son camarade de la commission numérique sur son portable quelque chose. Ok, on va revenir sur un petit point sur la numérique très rapidement et je reprends. Donc juste pour vous dire, vraiment, toutes les informations sont sur le Wikipédia. Donc si vous voulez avoir une mailing list, si vous voulez contacter qui que ce soit, même les autres commissions, parce que les autres commissions sont sur le Wikipédia, c'est quand même un moyen pratique de communication. Bon, c'est pas le plus fun pour l'instant, mais voilà. Et il y a aussi sur le site Nuit Debout, où il y a quelques données qui sont là, si jamais vous voulez réussir à contacter directement les commissions concernées que vous voulez voir. Voilà, je vous le disais. Bien. Donc maintenant, nous passons au tour de parole libre. J'annonce Francisco T. Une fois, deux fois, trois fois. Non plus. Non, j'ai pas l'impression. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Debout avec Sophie Eustache et Julien Bonnet qui ont donc fait paraître un appel à témoignages à leurs consoeurs et confrères journalistes. En vue de la rédaction d'un manifeste de journalistes atterrés ou debout. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de la rédaction de ce manifeste ? Alors, en fait, ce manifeste ne se veut pas seulement un état des lieux. L'idée derrière, c'est après la récolte des témoignages, c'est de mener aussi une enquête auprès d'experts, d'économistes, de philosophes qui ont pu penser des systèmes politiques et du coup économiques pour les médias. Donc ça serait de proposer un système et aussi comment maintenant, avant la mise en place de système, quel mode d'action, quel mode de résistance on peut mettre en place. Le nerf de la guerre, c'est un petit peu toujours le financement, non ? J'imagine, des médias. La question du financement, de l'indépendance et du financement. Oui, ça fait partie, c'est sûr, des questions qu'on veut aborder parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a un réel danger qui, pour moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, je pensais encore que c'était possible peut-être une cohabitation entre des propriétaires de groupes de médias, qui soient des industriels, des économistes, en ayant en tête qu'il y avait une séparation claire entre justement le propriétaire, les annonceurs et la rédaction qui, elle, doit faire son métier, on va dire, en toute indépendance. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a des failles dans cette organisation et qui sont inacceptables et qui entraînent une défiance envers les journalistes, les médias et qui risquent aussi d'accroître les tensions globales. Et voilà. Il y a une défiance d'une partie de la population, mais on peut dire aussi qu'il y a une autre partie de la population qui avale ce qu'on lui sert en fait dans certains médias et notamment à la télévision sans critiquer cette information, sans la croiser avec d'autres. C'est un autre travers aussi. Oui, exactement. Et c'est pour ça que nous, on veut réaffirmer aussi le métier de journaliste en tant que tel, avec une réelle déontologie, des réelles pratiques pour collecter, traiter, analyser et produire l'information et être rétribué justement pour cette tâche. Un vrai métier, quoi. Donc, Et aussi l'importance d'éduquer aux médias, je pense, dès le plus jeune âge, pour justement contrer les théories du complot, savoir quels médias lire, regarder, pour avoir pour construire son esprit critique, en fait, et du coup aussi son esprit politique. Est-ce que via Radio Debout, vous avez envie de prolonger cet appel, ou en tout cas de dire à vos consoeurs et confrères journalistes où est-ce qu'ils peuvent vous contacter et participer à cet appel à témoignage ? Bien sûr. Alors en fait, déjà, vous pourrez retrouver l'appel à témoignage pour le manifeste des journalistes Debout à Terré. Donc vous pouvez le trouver sur les sites Convergence des Luttes, à Crimed, et il commence à tourner un peu partout, sur Facebook, etc. Et nous, en fait, on a créé une adresse mail, tout simplement, lesjournalistesatterrés, au pluriel, @gmail.com, où vous pouvez, en tant que journaliste ou sympathisant, nous envoyer vos témoignages. On est en train de s'organiser. On va sûrement envoyer, dans les plus brefs délais, des premiers mails. On va créer, en fait, une liste de contacts et on tiendra informé de l'évolution de notre projet. Merci beaucoup, Sophie Eustache et Julien Bonnet. Merci. On part à l'Assemblée Générale et ensuite, nous serons au téléphone avec... Toulouse. Pour partir ensemble à la manifestation, donc la marche contre Monsanto le 21 mai. Voilà. Merci. Alors je vais appeler la commission prison juste avant l'intervention concernant le 18 mai. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler au nom de la commission prison. Il y a un nouveau rassemblement devant la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis ce samedi. C'est à 13h et il y a un départ collectif qui s'organise à 11h45 pour du covoiturage ou le bus à Porte d'Orléans. Vous pouvez trouver toutes les infos sur Info Paris Lutte ou Démosphère. Et donc je vais juste vous lire un petit extrait de la troisième lettre qui a été écrite par ces femmes basques prisonnières. C'est la troisième qu'elles écrivent en quelques temps. Et voilà. Nous parlons de conditions de vie dignes. Ils parlent de règlements. Nous parlons d'entraide, de partage. Eux parlent de trafic. Nous parlons d'humanité. Ils parlent de textes de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer. Eux parlent de sécurité et d'isolement. Ils font leurs lois, ils créent des systèmes de contrôle qui naissent des besoins de réprimer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est la machine qui s'alimente elle-même. C'est en nous menant à bout et en créant des tensions qu'ils justifient leurs dérives sécuritaires et répressives. Nous continuerons à nous battre pour des conditions dignes à l'intérieur comme vous le faites à l'extérieur. En espérant vous entendre à nouveau le samedi prochain, nous envoyons une forte accolade enragée et solidaire à toutes celles et ceux qui luttent et résistent. Merci. Merci à toi. Donc, le débat concernant le 18 mai, l'intervention, la manifestation policière qui va se mettre en place va reprendre. Les personnes s'y inscrivent ? Ah, mais c'est ce qui était prévu apparemment. Non ? Ok, en attendant, est-ce que Francisco serait revenu par hasard ? Alors je vais demander aux gens de se ravancer un petit peu, ceux qui sont derrière peuvent se rapprocher, ceux qui sont derrière peuvent aussi s'asseoir, ça facilite l'échange. Un petit exemple. Vas-y, rassieds-toi. Voilà, merci bien. La personne qui voulait lire triple couche est-elle venue ? Revenue, non ? Non. Je vais pas le faire avant le blanc. Est-ce que Etam veut parler ? Francisco, Etam, la personne concernée. Voilà, Etam est venu. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Good evening, ladies and gentlemen. Je veux parler des gens, pas des gens qui ont pris un coup de matraque sur les fesses, non. Par contre, je suis pas pour. Je vais parler des gens qui sont en train d'être massacrés chaque jour. Ils sont en train d'être bombardé chaque jour en Syrie, en Halab. Il y a des centaines d'enfants qui sont en train de mourir chaque moment, chaque seconde. Des femmes, j'étais là-bas. Personne n'a parlé de ces femmes, de ces petits-enfants, ni le communiste féministe, ni international, ni rien du tout. J'étais tellement triste. Et c'est le moment de parler de ces gens-là. Il y a plein de gens qui souffrent. Ils n'ont même pas un bout de pain pour manger le matin. Et s'ils mangent le matin, ils ne peuvent pas manger l'après-midi. Ils sont en train de vivre demi-pension. Et des petits-enfants qui ne partent même pas à l'école, ils n'ont pas, des écoles ouvertes. Parce qu'ils ont bombardé les écoles. Les Russes et leur président, qui n'est pas un président maintenant, à mon avis. Et en plus, je veux parler aussi des gens en Asie. C'est au Myanmar, c'est la Burma. Aussi des gens qui sont en train de se griller, vraiment. Ils les mettent sur des bouts de fer, ils les grillent. Et ils les tuent, ils sont loin de l'être humain parce qu'ils sont en train de faire des choses, ils ne sont pas humains. Il faut parler de ces gens-là. Et alors, que Dieu soit un témoin que j'ai quand même parlé de ces gens-là. Merci. All we need is ready or the boom. Ready or the boom, all we need is ready or the boom, ready or the boom, ready or the boom, All we need is Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Vous êtes toujours sur Radio Debout, nous sommes le 66 mars et nous sommes en direct depuis la Nuit Debout de Paris à la Place de la République. Et on va passer un petit coup de fil à notre correspondant toulousain Clovis. Est-ce que tu m'entends Clovis? Oui, je t'entends. Oui. Alors vous continuez les nuits Debout toulousaines tous les jours, ça continue sur la Place du Capitole? Oui, tout à fait, on continue tous les jours là, donc depuis le mardi 5 avril. Yes, et vous avez eu la chance de goûter le goût du gaz, il me semble, il y a deux jours. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui, tout à fait, oui. Alors, on a organisé une petite action sur un McDonald's, en fait, sur l'occupation d'un McDonald's, d'un fast-food. Parce qu'en fait, on a trouvé que ça représentait très bien tout ce qui est à la fois la loi El Khomri, avec les emplois précaires, et la mondialisation les excès de la mondialisation avec McDonald's, donc que tout le monde comprendra effectivement. Et puis, donc il est sur place en plus. On a trouvé comment? Il est sur votre place, le McDo. Oui, voilà, en plus. Alors il se trouve que le McDo était pas. Il y avait quand même plein de cibles là, parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était ce McDo là, sinon c'est sûr qu'on prenait le risque qu'il soit surprotégé. Par les CRS, parce que c'est quelques personnes qui ont choisi la cible presque le jour même, quoi. On savait tous que ça allait, on était nombreux à savoir que ça allait être un fast-food, mais on ne savait pas lequel. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez envahi? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvé à un arrêt de métro, on est rentré dans le métro. Et là, les organisateurs, ceux qui savaient, connaissaient la cible, nous ont dit, vous allez à tel arrêt de métro, jusqu'à tel arrêt de métro, vous sortez, et là, vous courez jusqu'à un McDo, et vous l'occupez. Et quand même, comme il y avait beaucoup de monde, ça a été très vite, et on l'a occupé assez rapidement. Les gens qui étaient à Nuit Debout, étaient quand même juste à côté, donc ils ont rejoint le McDo, et là... On a occupé le McDo pendant longtemps parce que en fait la police est venue sur place assez rapidement mais n'est pas intervenue tout de suite parce qu'il y avait beaucoup de monde et je pense que il y a des bruits qui courent comme quoi le préfet est pour l'instant assez favorable à Nuit Debout et de Toulouse en tout cas et du coup nous a laissé un petit peu faire ce qu'on voulait. Vous avez pu manger des frites et des burgers un petit moment avant qu'ils vous dégagent en fait. Exactement. Enfin, non, le gérant n'a pas trop voulu qu'on mange des frites, mais même si certains ont négocié pour éviter qu'elles soient jetées. Et comment ça s'est terminé du coup? Ils ont quand même la police est quand même intervenue. Alors voilà, la police est intervenue. Ce qui s'est passé, c'est que on est tous montés. En fait, il y a deux étages. Enfin, il y a trois niveaux au McDo. Il y a deux étages et on est allé le maximum tout en haut. Quelques-uns étaient au premier étage et certains sont restés en bas pour fermer les portes. Et ce qui s'est passé, c'est que certains ont bloqué les portes et les flics pour rentrer, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont cassé les vitrines en fait, parce que les portes vitrées et ils ont cassé les vitrines pour rentrer. Donc il y en a au moins un d'entre nous qui s'est retrouvé avec du verre partout. Et après, ils ont évacué les gens, ils ont envoyé du gaz à l'intérieur du McDo. Et après, ils sont montés et ils sont venus chercher ceux qui étaient là un par un, parce qu'ils étaient tous qui enchaînés. Ils nous ont descendu un par un. Il y a eu. C'était un peu violent, un peu musclé quand même. On a un peu mal vécu. Et après, on s'est retrouvés sur la place autour du McDo. En fait, ils ont gardé une personne. Ils ont gardé une personne qui s'appelle Nicolas pour l'emmener au poste. Et donc, il y avait pas mal de protestations pour récupérer cette personne. Et devant ça, la porte-parole a annoncé première sommation, deuxième sommation, seconde sommation. Et finalement, il y a eu une petite charge de CRS suivie de gaz lacrymogène sur la place pour se disperser. Et c'est ce qui a achevé la Nuit Debout de avant-hier soir, du coup, sur la place du Capitole. Mais du coup, vous avez pu réinvestir depuis? Alors, en fait, ça n'a pas du tout achevé la, la, la nuit debout, parce que ce qui s'est passé, c'est que on s'est reculé un petit peu, et là les gens ont commencé à discuter, à dire qu'il fallait aller au commissariat pour récupérer la personne qui avait été interpellée. Et donc quelques instants plus tard, il y a je sais pas trop, une centaine de personnes, je pense, qui sont parties en manifestation sauvage, mais très pacifique, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune dégradation sur le chemin, pour aller au commissariat, qui était, je dirais, un quart d'heure à 20 minutes à pied, donc en utilisant, enfin, dans Toulouse, en traversant Toulouse. Là, par contre, il y a eu un fait assez étrange, c'est que la PAC a suivi le cortège sans agresser le cortège, sauf que nous, qui étions derrière la PAC juste pour suivre aussi le cortège, il nous a gazé à nous, alors qu'on était une quinzaine derrière, comme ça, à ne pas faire de mal, et il a gazé comme ça dans une rue, voilà, c'est un groupe de 15 personnes, ainsi que les gens qui étaient en terrain, sur le coup. Donc là, c'était pas très, très justifié, effectivement, on a été un peu étonnés de leur action. Et finalement, on est arrivé au commissariat, et les gens ont un peu manifesté, mais c'est resté très gentil, et finalement, se sont disputés. Et en fait, pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est que les Beaux-Arts ont profité de la dispersion, enfin, des étudiants des Beaux-Arts ont profité de la dispersion pour construire des structures place du Capitole. Et si vous regardez sur les photos de Nuit Debout Toulouse, en fait, ils ont construit une structure un petit peu du type des structures qu'on retrouve dans les ZAD, les zones à descendre, où c'est des structures qui sont hautes, en fait, où les gens, où certaines personnes peuvent se mettre juste en haut. Et ça empêche les forces de l'ordre d'y accéder, parce que c'est trop haut pour eux, ils n'ont pas le droit de monter aussi haut. Donc ils ne peuvent, peuvent pas déloger les gens, et ils ne peuvent pas non plus détruire la structure, parce que sinon ça va mettre la vie des gens en péril. Ils ont construit une structure comme ça en bambou, en fait, qui devait faire 3-4 mètres de haut, pendant que les gens étaient au commissariat, et donc après les gens sont revenus, et... Les étudiants des Beaux-Arts ont aussi construit une yourte, un tipi et une cabane en palette pendant ce temps-là, et pour occuper toute la nuit. Ils ont occupé toute la nuit et se sont fait déloger le lendemain vers 11h. Les pompiers sont venus leur demander de descendre de cette structure assez haute là. Donc ils l'ont fait, et ils ont été obligés, les pompiers ou les forces de l'ordre, etc., ils ont été obligés de scier la structure. Pareil, ici à la démonter. Donc voilà, ils ont un peu montré la résistance, l'occupation, et ils ont un peu embêté. Et voilà, c'est resté quand même. Je crois qu'ils ont interpellé deux personnes, mais les ont relâchés dans la journée. Voilà. Eh ben merci beaucoup Clovis pour ce récit toulousain. Et puis, continuez bien à occuper le Capitole avec ces nouvelles structures. Merci. Salut! Salut. Et nous ici à Paris, on repart à l'Assemblée Générale qui est quelques mètres derrière ce petit studio. Il y a le RSA, mais tout l'argent qui est volé en Afrique, est-ce que vous en profitez? Donc, si nous arrêtons ces gens-là, si nous demandons aux armées françaises de quitter l'Afrique, si nous demandons aux Français de s'arrêter, n'ayez pas peur, la France ne sera pas plus pauvre, parce que nous vivons avec une économie qui est déjà pillée. Donc, c'est-à-dire qu'avec une vraie économie d'égal à égal, tout le monde va voir ce qui va se passer. Et l'argent que la France gagnera, tout le monde le saura et tout le monde va en profiter. Il n'y aura plus d'argent au Liechtenstein, il n'y aura plus d'argent je ne sais pas quoi. Donc n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, le monde ne va pas se bouleverser. Travaillons ensemble et faisons que dans les mois qui suivent, cette connerie de France CFA, cette connerie d'esclavage des Africains par l'Europe s'arrête, tous ensemble. Et ne laissons pas les gens de droite faire ça, faisons-le nous, Africains, gauche, machin, Français, tout ça, tous ceux qui sont universalistes. Trouvons une solution pour arrêter cette merde. Et j'emploie le mot merde, excusez-moi pour mes propos. Deuxièmement, je sais que je vais arrêter. Dimanche, il y a une marche, justement pour ça. Et ceux qui veulent savoir où se trouve la marche, et par quand, à quel endroit, d'où et pourquoi, le stand France-Afrique, il est juste à côté. Il y a des gens qui sont là pour discuter avec vous. Et venez marcher avec nous, venez faire en sorte que cette putain de merde de France-Afrique s'arrête, et je vous assure que la France ne perdra pas d'argent, vous serez même plus riche. L'argent, vous ne le voyez pas, n'ayez pas peur, vous ne serez pas plus pauvre. Ouais, pas de soucis, merci. On va demander aux gens de se rassembler vers moi. Les gens qui sont derrière peuvent venir s'asseoir au milieu, derrière, comme vous voulez. Je vais demander un petit point technique. Voilà. Petit point technique, vous pouvez vous inscrire ici pour les prises de parole. Je ne mords pas. Les hommes et les femmes, bien sûr. Et les commissions, quand elles sont appelées, c'est bien qu'elles viennent aussi. Merci. Ce serait bien qu'il y ait des femmes. Et des femmes qui viennent aussi, c'est demander fortement. On va quitter le point technique de l'AG et puis on était à Toulouse et on va partir à Malakoff. Alors on n'est pas exactement en direct. C'est un petit documentaire que nous a envoyé le Bruitagène qui a déjà quelques jours. Ils ont passé une soirée là-bas. Ils étaient place Rosa Parks et on les remercie parce que le Bruitagène nous envoie beaucoup de sons, beaucoup de petits documentaires, beaucoup de reportages qui sont toujours super intéressants. Et c'est parti, Malakoff. Ah non, Malakoff a décidé de pas arriver, alors est-ce que c'est un problème? On va regarder ça. On arrive, normalement il est là. Le deuxième était là. Elle voit la Malakoff. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. On veut que les cités ils reprennent la parole aujourd'hui. Parce que ça fait partie du peuple. À chaque fois, on dit que dans les cités, il se passe quoi? Des dealers de shit, des casseurs, des voyous, des voleurs et des brigands. Alors que c'est juste le peuple comme tout le monde. Sauf qu'on ne leur donne pas la même chance qu'on donne à tous. L'égalité, encore une fois, elle est bafouée. Du coup, le principe des Nuits Debout, c'est un mouvement citoyen. On a voulu le proposer aussi à Malakoff, en fait, pour que tout le monde puisse en profiter et tout le monde puisse avoir la parole et s'exprimer. Et encore une fois, c'est pas que les quartiers qui subissent le système, c'est tout le monde. C'est toute la population de France, carrément. Après, sauf les 1% qui contrôlent. Nous aussi, on aimerait bien avoir un compte au Panama Papers. Mais bon, mais c'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de se rassembler à Malakoff. Et c'est que le début d'une lancée et on se rassemblera encore plus nombreux, encore plus forts. Mais c'est qu'un début. Vous allez voir, c'est qu'un début. Allez, demain, on voit ça. Darman, parce qu'il y a du monde, puis je vais rentrer dans le truc. Oh, les jeunes, là. Oh, les jeunes. Ouais. Ça serait bien de venir vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. On est là pour vous et vous entendre. Celle qui veut chanter vient chanter maintenant. Viens là, Brezen. Vache, arrêtez ta chum. Viens là, là. Voilà. Non, t'as rien à dire. Bah, déjà, bonjour. Et si je prends la parole aujourd'hui, bah, parce qu'il m'a forcé un peu, donc. Voilà. Mais après, ouais, j'entends, ça parle du racisme, ça parle du quartier. Après, faut pas croire non plus que dans le quartier, tous les jeunes sont tous dans le même cas. Il y en a, ils cherchent du travail, même si c'est compliqué. Chaque personne ici dans ce quartier essaie de, on va dire, de s'en sortir, d'essayer de construire son avenir. Et faut pas croire que parce que certains jeunes sont ici toute la journée, que ça veut dire qu'ils font rien de leur journée. Il y en a, ils sont là, ils se cherchent. Ils ont du mal à prouver ce qu'ils veulent. C'est joli de créer des immeubles, c'est joli de mettre des entreprises à côté. Mais derrière, faut aider les jeunes à travailler. Parce que quand on habite sur Malakoff, moi personnellement je travaille, mais c'est pas un contrat stable. Mais c'est vite, dès que j'ai dit que j'habitais sur Malakoff, ah d'accord. Donc il y a toujours ça d'accord qui veut tout dire. Bah déjà bonjour à tous. Je m'appelle Fad Bakri, je suis lycéen. J'habite dans le quartier. Ce que j'ai à vous dire en fait, c'est que déjà dans notre quartier on est mal vu. Un, parce que on parle que de notre quartier quand ça en tire. Quand il y a des choses négatives en fait. Mais ils en parlent pas quand on organise des tournois de foot. On essaie de parler avec d'autres quartiers, d'essayer de sortir un peu de notre quartier en fait. Ça, les gens ils le voient pas. Mais laissez parler s'il te plaît. Son frère, c'est Karim Benzema, là, je vous rappelle. En fait, moi, j'ai dit, ouais, quand les gens, ils viennent dans le quartier, vu que la réputation du quartier, elle est mal, bah, ils vont tous mettre les mêmes personnes dans le même sac. Donc, voilà. Donc, on n'est pas tous pareils. Donc, ça sert à rien de mettre les gens dans le même sac. Et aussi, pour les petits comme nous, il y a quelque chose ici qui s'appelle le secteur jeune. En fait, ça consiste à faire des sorties avec les petits et tout ça. Les aider, leur stage. Voilà. Mais il y en a qu'après, quand ils sont virés, bah, y en a, ils sont virés. Et quand ils sont virés, bah, ils peuvent rien faire. Ils restent dans le quartier. Ils disent, on fait une journée. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On peut rester qu'au quartier. On est viré de sortie. On ne peut pas faire de sortie. On ne peut rien faire. C'est obligé qu'on reste dans le quartier. Nous, on a grandi où? On a grandi dans le quartier. Et donc on reste là. Du coup j'en reste là. Moi c'était ce message que j'avais à passer. Ce qui en fait qui se fait différent à nous et des gens qui sont pas dans le quartier, c'est la façon comment on s'habille en fait. On est mal vu, les gens vont dire ouais, lui c'est une raca, lui 26. Les gens vont commencer à se méfier de nous, mais sans nous connaître en fait. Et nous on va essayer de s'adapter à eux, mais eux ils veulent pas s'adapter à nous. Sans vous mentir, bah, j'ai eu des difficultés un peu dans ma vie. Et il y a beaucoup de personnes dans ce quartier qui m'ont aidé, qui sont toujours encore là pour moi, qui m'aident, qui essaient de m'en sortir. Donc il y a beaucoup de gens formidables, gentils, qui sont là, qui veulent aider les jeunes. Bonsoir. Je voulais juste te dire que je suis sur Malakoff depuis peu, en fait, plusieurs mois. Et je trouve qu'une vie de quartier, c'est riche. Pour moi, quand on m'a dit que je pouvais venir sur Malakoff, j'ai eu cette envie de dire zut, Malakoff, c'est pas l'endroit idéal. J'avais déjà une idée préconçue, en fait, de Malakoff. Et c'est pas du tout ça en fait. Et les gens que j'ai pu côtoyer en si peu de temps sont merveilleux, simplement. Et donnent beaucoup d'eux-mêmes. Alors qu'on est dans un endroit qui sont les revenus sont quand même bas. Et ils sont capables de donner beaucoup plus par cœur ou par envie. Quoi. Attention, tourne. Il y a des melons. Ouais, encore. C'est quoi ça? Waouh! C'est pour peler les pommes. Merci. On reste avec Capri encore. Oh, ça c'est gratuit! Tiens. C'est gratuit! Oui. Ouais! C'est gratuit et c'est bon! Toi, t'as pris quoi dans ton sac? Un sachet de paquet, de la salade, avec du melon. Ouais. Du melon. Des pommes, des brocolis. Tiens. Je suis obligé de charbonner pour faire un peu de sous. Maman, je suis désolé si les policiers viennent me lever sous les bras tous les mois, ce n'est pas une vie, je le sais. Quand un mec vient me voir pour avoir un fumé, je le sers. La vie c'est une entrée, la mort c'est le dessert. J'ai plus personne sur qui compter, dans mon cœur c'est le désert. Je me vois bien me faire planter par une tape par derrière. J'ai lâché l'école en troisième et maintenant je suis en marche arrière. Une vie brisée par le cancer, certains connaissent la date de leur décès. Mon père m'a jamais puni, pourtant j'ai jamais eu de dessert. Je suis l'enfant de la galère, l'enfant de la misère. Je ramassais les restes de tes miettes à la petite cuillère, c'est honteux. On peut te posséder aucune richesse, que nos soucis sont plus forts que nous. On se cache derrière l'ivresse. Fumer son premier joint à l'âge de 15 ans, j'ai compris que... Bonsoir à tous, moi c'est Zacharia, je suis habité le quartier pendant 30 ans maintenant, avant d'aller m'installer en enfer en Ile-de-France. On est manifestement d'un point de vue ethnique, d'un point de vue culturel, très marqué ici dans les quartiers. On a affaire à un vrai sous-prolétariat qui morfe tous les jours. Juste un petit historique, moi je suis venu ici, j'ai été élevé par ma mère. On est quatre frères et sœurs, elle a dû trimer à faire des chantiers, à aller faire le ménage. Les vacances c'était pas pour nous, et même quand il y avait des initiatives c'était pas possible. J'ai vécu la pire période qu'a connu ce quartier quand j'étais en pleine préadolescence, où il y avait rien, c'était juste une enclave où il y avait juste deux entrées, tout était mort. On a eu le centre qui a cramé deux fois, la piscine qui a cramé, les activités étaient très réduites, la vie associative très réduite, fallait se débrouiller. Moi, je traversais le collège, on pouvait y aller en pyjama, en chaussons, je veux dire, on se retrouvait qu'avec des collègues du bloc, quoi. Ma mère, pour me sortir de la carte scolaire, elle a dû me mettre dans le privé, avec un tas de choses auxquelles on a eu accès, on a vu un monde. qui est complètement différent. D'autres jeunes de ma génération n'ont pas pu le faire. Dans mon seul bloc à moi de 10 étages, on est dans les garçons, on n'est que deux à avoir eu le bac et avoir fait des études après. Les autres, malheureusement, ont été mangés par la vie, j'aurais pu être l'un d'eux. Je ne suis pas déterministe, mais ça aurait pu arriver. J'aurais pu prendre une balle avec des collègues dans une voiture. J'aurais pu être en ce moment à Nantes-Nord, dans une cellule, en train de me défoncer la santé, en train de perdre ma vie. Ça donne juste le vertige, tout ce qui est possible, malheureusement, qui peut arriver au quotidien, quoi. On a ici, malgré les belles tours, malgré les rénovations, on a encore 34% de réussite, soi-disant. Ici, nouveau collège Sophie Germain, avec des millions d'euros qui sont investis, plus 65% d'échecs. Tous les gamins, tous mes petits frères là qui sont ici maintenant, en termes de probabilité, ils sont voués à des voies de garage. Il y en a, ils vont sortir tout de suite. Et ça va encore alimenter les prisons. C'est plus possible. C'est plus possible. On pourrait dire plein de choses, des faits sur ce quartier-là. On nous vend un quartier rénové, on fait de la promotion, on vend des belles vues à des gens, en gros, qui sont assez fortunés demain pour acheter là, des appartements ici. On compte sur le turnover, on dit, au fond, on est des HLM, mais on a des gens ici qui sont là depuis 30 ans, bientôt 40 ans, ils vivent dans ces logements. Dans quelle société on vit? Comment est-ce qu'on peut être stable en se disant que demain, ma mère qui est là depuis 30 piges, elle peut se faire expulser parce qu'elle n'a pas payé 2 mois de loyer? Comment ce monde-là est possible? Elle a dû payer son appartement au moins 3 fois. Demain, elle est expulsable comme quelqu'un qui vient d'arriver il y a un mois. Comment on peut juste comprendre ce monde-là comme étant normal? Donc, il va y avoir des efforts à faire. Et je l'ai déjà dit dans un récent événement avec des gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai jamais vu n'importe qui de révolutionnaire, de rouge ou d'utopiste venir ici dans mon quartier. On a juste mangé tout seul. Et on vient nous voir avant les élections pour nous dire votez pour le Parti Socialiste, votez pour le PC et les autres partis. Et après, on nous oublie. On arrive dans la gauche radicale avec des gens qui nous disent, vous voyez, la seule manière d'arriver à un degré d'émancipation suffisant, c'est d'abandonner votre religion, d'abandonner votre culture, d'abandonner vos traditions. Je suis pas d'accord. Ma mère a sa carte au PC. Pourtant, vous la verrez, vous vous dites, ça doit être forcément une de ces femmes soumises qui porte le voile et qui n'a pas la possibilité d'accéder à un degré de civilisation. La gauche paternaliste et raciste, je l'ai vécu dans les dents, avec des débats auprès de collègues qui sont juste affreux, dignes du Front National, de l'extrême droite. Les collègues, les camarades de la gauche radicale doivent se poser des questions sur les ponts à tisser, des compromis à opérer. Et il y a des priorités dans la vie. Ça veut dire que demain, massivement, ces gens qui font partie notamment de ma communauté, même si j'aime pas ce mot-là et j'ai pas envie de me définir par rapport à une communauté, mais je viens de là, c'est comme ça, n'abandonneront ni leur religion, ni leur culture, ni leur tradition. En revanche, ils peuvent, parce qu'ils ont dans leur culture les ferments pour l'anticapitalisme, pour l'autogestion, pour l'égalité, pour un tas de valeurs que tout le monde comprend tout à fait. Mais on n'est pas obligé d'uniformiser les choses, parce que sinon, on va avoir des gens, en gros, qui viennent de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, qui vont nous proposer une nouvelle révolution, et qui vont laisser de côté des gens des couches populaires qui morfent pour le coup. Il va falloir faire des ponts culturels, parce que ce qui fait trembler clairement le pouvoir, c'est que demain, les gens qui ne sont pas politisés ici dans nos quartiers accèdent à un certain degré de politisation et comprennent qu'ils sont exploités. Ça veut dire que nous, dans les quartiers, on est comme ça. On a de l'énergie à vendre, il y a un vent de révolte. Il y a les ferments demain pour changer les choses, parce que sinon ça ne sert à rien. Prendre la parole à nuit debout et dire voilà, c'est sympa et puis on va passer un printemps rigolo, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que demain, si on veut vraiment construire quelque chose de durable, il va falloir réfléchir aux liens qu'il va falloir établir entre eux, et ça passe par les gens les plus politisés, c'est toujours comme ça. Ça veut dire, lâchez pas les gens qui sont ici. Voilà, tenez bon, c'est tout. Merci. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir. À ceux qui voient l'insurrection comme une brèche, d'abord, dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge et de la confusion. À ceux qui devinent, derrière l'épais brouillard de la crise, un théâtre d'opérations, des manœuvres, des stratégies, et donc la possibilité. ceux qui quittent le moment propice, à ceux qui cherchent des complices, à ceux qui désertent, à ceux qui tiennent bon, à ceux qui s'organisent, à ceux qui veulent construire une force révolutionnaire, révolutionnaire parce que sensible, cette modeste contribution à l'intelligence de ce temps. Message accroché sur les fils par les enfants, à partir de la question « De quoi rêvez-vous ?» Je rêve d'être riche, d'avoir une moto, d'avoir un micro et de faire de la boxe et du foot. Être riche pour avoir toutes les motos du monde. Ibrahim, 5 ans. Je rêve qu'on nettoie tous ensemble la France de cette pollution. Ninon, 5 ans. La police qui passe. Ce sont même les policiers. Les policiers, c'est quoi en vérité? C'est des pions. On leur dit, eux, c'est un travail qu'ils ont et c'est des pions. On les déplace comme ça, comme sur un damier. C'est exactement ça. Je rêve d'un monde bienveillant. Johanna. Après, entre la police, ils sont. Chaque fois, ils sont ici, ils traînent. Nous, après, on va passer pour de quoi? Ils vont dire, ouais, vas-y, ça, ils habitent à Malakoff, ils habitent ici, ça se passe comme ça se passe comme ci. Et du coup, en fait, on est mal vu, en fait. Alors que. Il y a des choses bien qui se passent dans le quartier, sans en fait penser que c'est dommage. Je voudrais la paix dans le monde. Esther, 8 ans. Et moi, je voulais juste témoigner d'un truc aussi hier. Donc, j'étais à la manifestation, je suis à la CGT, donc j'étais dans le cortège. Et quand je suis rentrée chez moi, en fait, mon fils de 15 ans et demi n'était pas là. Donc inquiétude, avec son père, on est séparés, mais on l'a cherché partout. J'ai pris mon vélo, je suis allée partout et en fait, à 8h15, il y avait Valdec Rousseau qui nous a appelé et comme quoi il avait été arrêté. Je suis allée vite fait à Valdec et on nous a fait attendre. Et là-bas, j'ai vécu un truc que je vois régulièrement dans les manifs, hein, les mecs de là-bas qu'on les voit régulièrement. Et en fait, là, on était d'un côté de Valdec, on était les mauvais parents, hein, qui avaient des enfants qui étaient arrêtés, donc c'est pas terrible. Et puis, il y avait aussi des grands frères qui étaient là, des grands frères qui attendaient leur petit frère qui avait été arrêté. Et puis d'un seul coup, on a vu une quarantaine de mecs de la BAC arriver. Donc nous, on a... les mères de famille, ils nous ont rien dit. Mais en fait, directement, ils sont allés voir les grands frères. Ils leur ont demandé de se lever, ils les ont plaqués au mur. Ils ont fouillé. Enfin, c'était d'une violence extrême. Je voudrais une licorne. Voilà. Jade, 7 ans. Voilà. Quelqu'un va venir dire quelque chose. Bonsoir à tous. Moi, je prends le micro pour dire que la personne qui parlait tout à l'heure, qui s'appelle Nassim, vient d'être embarquée par les CRS. Arrête ! T'es sérieux ? Parce qu'apparemment, il y aura un défaut d'assurance sur sa voiture. Sérieux ? Donc, qu'est-ce qu'on fait, là ? Bah, on y va, quoi. On y va. On va le soutenir. On va voir comment elle est sa voiture. Qui a été embarqué. On fait notre travail. Pas vraiment, non. La procédure est en cours. La procédure, mais c'est vous qui le dites, hein. Les CRS, on mène les gens qui n'ont pas d'assurance. Une personne qui vient parler là. La procédure de l'assurance est en cours. Mais c'est pas légal, ça. Ici, il y a une audition qui est en cours. Pour un défaut d'assurance, c'est une audition. Non, mais là, c'est vraiment de la stigmatisation. C'est le travail, il faudrait démissionner. C'est de l'abus de pouvoir. Il est où, Nassim? Il est où, Nassim? Il est parti où? Il est où? On veut savoir. Il est où, Hélène, Nassim? Au commissariat, vous allez au commissariat. Au commissariat, vous voyez au commissariat. À Valdec? À Valdec. Pourquoi est-ce que c'est pas le même type de traitement qu'en centre-ville? Et vous l'avez arrêté au volant de sa voiture, en fait? C'est pas moi qui fais la procédure, madame. C'est pas nous qui avons fait le contrôle. Ce n'est pas moi qui ai fait le contrôle. Moi, j'attends la fourrière. Et en plus, vous emmenez la voiture. Oula, il est où, Nassim? Il est à Valdec Rousseau. Valdec Rousseau. Au commissariat central. Doucement. Il n'y a rien à voir, c'est normal. Mais calme, on vous demande de reculer. Donc si vous écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et si on n'écoute pas? On vous demande, on est sur la République. Vous avez bien fait de venir à deux camions pour un défaut d'assurance. C'est avec des matraques enfin, et tout, parce qu'on est dangereux. Temps, hein. Ouais, bien sûr, Et quand on se fait défoncer la gueule par les flics et tutoyer, on en reparlera aussi. Malheureusement, on ne peut pas en parler devant la justice, c'est dommage. Hein. Votre impunité, elle est totale. Bah ouais, bien sûr, elle est totale, totale, totale. J'habite avec tout mon château préféré, c'est un BK, le quartier Smolenskov. Moi, j'aimerais en fait qu'on aille le soutenir au commissariat. C'est important parce qu'en fait, moi, je fais partie de la commission Sans Frontières. Ça fait 3 semaines qu'on est là tous les jours avec les habitants pour essayer d'organiser cette soirée. Et Nassim était notre seul contact pour créer cette soirée. Il faut vraiment être solidaire ce soir. Il faut montrer notre force. S'il vous plaît, allons tous ensemble au commissariat. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est mon frère, je sais pourquoi l'embarquer, c'est pour un défaut d'assurance. Il va signer un papier, il va sortir. Si on y va, il va rester 8 ans là-bas. Mais non, mais non. Ici, ça va exploser dans la tête. Vous êtes on est en direct de la place de la République sur Radio Debout. Il est... Quelle heure il est? Bah, il écoute, le soleil est en train de se coucher. On est avec... Il est 21h34. Je suis avec Pierre Brunet, avec Alice aussi. Bonsoir. Avec Pierre Bonsoir. Brunet. Pierre Brunet, tu es écrivain. Oui. Tu as écrit 5 livres. Alors, j'ai écrit 5 livres, mais j'en ai pas publié 5. Hein. Voilà, j'en ai publié 3. Et j'écris le 4e, qui sera publié dans un an. C'est ça. Et donc, je me disais qu'on pouvait directement commencer par un extrait d'un des livres qui s'appelle Phénicia, qui est un livre que j'ai lu. C'est bizarre, hein, les journalistes qui ont lu les livres, mais c'est comme ça, ça arrive. Il paraît qu'il y en a encore, oui. Et c'est un livre que j'ai vraiment énormément aimé. Donc, Phénicia, qui parle de l'histoire de ta maman. Tout à fait. Ouais. Et ça va être lu par Sophie. Comme il n'y avait pas non plus de puits d'eau potable, les prisonniers d'Argelès buvaient 2 sortes d'eau. Une eau saumâtre, extraite de trous creusés dans le sol, et parfois de l'eau de mer, celle dans laquelle ils s'étaient vidés. On utilisait aussi ces eaux pour la cuisine. Dysenterie et typhoïde n'en demandaient pas tant, et c'est en épidémie qu'elles ravageaient les organismes épuisés. Blessés, vieillards, femmes enceintes, nourrissons et enfants étaient atteints en premier. Dans cet hiver, qu'il fut l'un des plus froids du siècle, pneumonie et tuberculose sévissaient également et frappaient de préférence ceux qui étaient déjà malades. La sous-alimentation et la vitaminose ne permettaient pas de reprendre des forces. Si les internés ne sentaient plus la crasse qui épaississait leur épiderme, faute de moyens d'hygiène, à part des bains dans la mer glaciale et souillés d'excréments avec du sable comme savon, ils sentaient les puces qui leur suçaient le sang, les punaises, les teignes qui colonisaient leurs vêtements pourris d'humidité et de sel, les poux qui infestaient leurs cheveux ou leurs barbes raides et poisseux de saleté. Ces poux qui leur apportèrent également le typhus, qui se répandit comme une traînée de poudre et acheva un bon nombre d'entre eux. La gale mangeait la peau de beaucoup, en plus des plaies infectées que le sable, le sel et le vent creusaient. La gangrène s'y mettait volontiers. Il y eut même quelques rares cas de lèpre, et l'on identifia un foyer de variole. Les rats, enfin, avaient envahi le camp, véhiculant les maladies, rongeant jour et nuit nourriture, habits, chaussures et abris. Anna, les premières fois, hurla et se débattit convulsivement quand un rat courut sur ses jambes. Conchita dut la serrer longtemps dans ses bras avant qu'elle ne se calme. Elle avait peur de s'endormir au soir et d'être réveillée dans son trou par des petites dents pointues en train d'attaquer ses pieds sous la couverture dont elle s'enveloppait, ou de sentir contre son visage le nez et les pattes d'un rongeur. Elle allait pourtant s'habituer à vivre avec les rats, au point d'avoir presque le sentiment d'être plus proche d'eux que des êtres humains qui vivaient au-delà des barbelés. C'est donc un extrait de Phénicia, de Pierre Brunet. Je voudrais d'abord dire merci, parce que c'est très, très émouvant d'entendre un livre qu'on a écrit être lu, et aussi bien lu, en plus. Ça se passe où alors, ce qu'on vient d'entendre? Ça se passe dans le camp, à l'époque on l'appelait le camp d'Argelès. En fait c'était la plage d'Argelès-sur-Mer, cette plage où aujourd'hui les gens vont en famille passer les vacances d'été, la plupart sans avoir conscience qu'il y a eu là un camp de concentration, puisque c'était le terme officiel administratif, même s'il n'y avait pas la même connotation que sous le régime nazi. Et c'est là où on a enfermé, donc à cet hiver 1938-1939, entre 90 000 et 100 000 républicains espagnols qui avaient passé les Pyrénées à la victoire de Franco, et qu'on a enfermé là directement dans le sable, puisque la plage était entourée de barbelés. Il faisait très très froid, ça a été l'un des hivers les plus froids du siècle. Et les gens au début ont effectivement été obligés de creuser des trous dans le sable pour se protéger du froid. Et au début, tous les matins, il y avait des cadavres, les gens qui étaient morts de froid dans la nuit. Et ma mère, à 6 ans, a été internée dans ce camp de concentration, puisqu'elle avait fait la retirada avec ses parents adoptifs anarchistes. D'ailleurs, il n'y avait pas que le camp d'Argelès-sur-Mer. Hein. Juste à côté, dans le sud, il y avait le camp de Saint-Cyprien, le camp de Barcarès, il y avait Collioure, Bram, etc. Il y avait à peu près une quinzaine de camps de concentration dans le sud-ouest de la France, où on a enfermé les républicains espagnols, qui ont vécu dans ces camps dans des conditions absolument atroces, à quelques mètres des citoyens français qui venaient souvent le dimanche, là je parle du cas d'Argelès-sur-Mer, les regarder comme on va au zoo un peu, comme on va au spectacle. Et pour finir sur ce passage, c'est un passage qui décrit un peu l'enchaînement morbide et tragique dans les camps de réfugiés ou de déplacés, comment la sous-alimentation, le non-accès à l'eau potable, le non-accès à l'hygiène commence à générer un circuit mortel de maladies et d'affaiblissement. Et en fait, quand j'ai lu les conditions de vie, plutôt de survie des gens à Argelès-sur-Mer, puisque pour écrire ce livre, je me suis beaucoup documenté, puisque ma mère est morte quand j'étais tout petit, donc c'est pas elle qui a pu me raconter ça. C'est un livre qui est paru en 2014. En mars 2014. Chez Calman Lévy. Chez Calman Lévy. Donc je me suis énormément documenté sur les témoignages, sur les conditions de vie à Argelès-sur-Mer, et j'étais frappé de voir qu'il y avait les mêmes conditions, le même cycle pervers et morbide que j'avais moi-même observé et contre lequel j'avais lutté dans les camps déplacés en Afrique, au Rwanda par exemple, où j'avais été en mission humanitaire en 1994. Et c'est exactement le même cycle. Le même cycle d'affaiblissement, de contamination, etc. Et je n'imaginais pas, avant de me plonger dans cette histoire-là, que le même cycle avait tué des gens, avait existé en 1938, en 1939, en France. Voilà. Donc, tu reviens d'Idoménie. D'Idoménie, oui. C'est pour ça que... Enfin, en tout cas, je t'ai appelé et je t'ai dit, Pierre, j'aimerais bien que tu viennes nous parler de ce qui se passe là-bas. Parce qu'on entend le nom, ça va vite et ça disparaît aussi vite. Et toi, tu as été, tu as vu de tes yeux. Et voilà, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, là et ailleurs d'ailleurs, entre la Grèce et la Macédoine. Oui. Il se trouve que j'appartiens toujours à cette ONG, outre le fait que je sois un écrivain, je suis toujours impliqué dans l'humanitaire. Solidarité internationale. Solidarité internationale. Et comme en novembre, j'avais voulu aller à Calais, rendre visite à notre équipe à Calais, qui était intervenue là-bas pour voir la situation sur place. Et là, j'ai voulu aller voir également la situation sur place en Grèce et en Macédoine. Donc j'ai été beaucoup à Idoménie, qui est effectivement le gros point de fixation. C'est un lieu qu'on voit beaucoup à la télévision parce qu'il est assez télégénique d'une certaine manière. C'est les alignements de tentes quechua sur des rails, parce que c'est une ancienne gare désaffectée et les rails continuent jusqu'en Macédoine. C'est à quelques centaines de mètres de la frontière. D'ailleurs, les premières tentes des réfugiés sont à quelques dizaines de mètres de la frontière. J'ai également été à Athènes, où il y a des réfugiés en banlieue d'Athènes, dans les anciens sites de l'ancien aéroport et des Jeux Olympiques de 2004, et même dans le port du Pirée, où le quai des ferries, dans le port du Pirée, était occupé à l'époque où j'y étais encore, il y a une dizaine de jours, par des milliers de réfugiés irakiens, syriens, afghans. En fait, les ferries qui emmène les gens à Athènes, les gens qui sont arrivés à Lesbos ou à Kos ou dans toutes les petites îles après la traversée de la Turquie à la Grèce, une traversée qui est très dangereuse, les avaient déposés directement sur le quai et beaucoup de gens n'avaient pas été plus loin ou on ne les avait pas emmenés plus loin. Et donc, il y avait des milliers de tentes. Mais ce qui se passe, c'est que le camp du Pirée est en train d'être vidé, puisque la saison des touristes va commencer. Les autorités grecques ne veulent pas que ces gens-là restent dans le port, parce que les ferries vont commencer à transborder des îles les touristes. Et donc, ils ne veulent pas qu'il y ait cette population qui n'est pas très sexy en termes de tourisme dans le port du Pirée. Donc, ils sont en train de les déplacer dans des camps de l'intérieur dont certains, d'après ce que j'ai entendu dire, sont dans une situation assez déplorable. Pour revenir à Idoménie... Justement, oui. Vous nous parliez tout à l'heure, vous nous disiez que en vous documentant sur Argelès, vous étiez rendu compte qu'il y avait les mêmes cycles que les cycles de peut-être pourrissement de la situation que vous aviez pu observer au Rwanda, etc. Est-ce qu'on est dans la même situation là, dans ces camps-là que vous avez pu observer dans les Balkans? Alors, dans les Balkans, non, c'est pas du tout la même situation. La situation la plus grave et la plus aiguë, elle est à Idoménie. Sur les sites d'Athènes, le Pirée, c'est en train d'être vidé. Ilinico, c'est-à-dire l'ancien aéroport et les anciennes installations olympiques. Il y a de la promiscuité, mais bon, les gens ne meurent pas de faim. Ils ont accès à l'eau potable, ils ont accès à un minimum d'hygiène. On peut toujours faire plus pour eux. Mais il ne s'agit pas d'une urgence humanitaire. Sur les camps en Macédoine, notamment le camp de Tabanoce, qui est à la frontière serbe, il n'y a absolument pas d'urgence humanitaire. Les gens sont dans des containers de chantier avec air conditionné, etc. Je ne dis pas que c'est enviable, je ne dis pas que c'est un avenir et je ne dis pas que c'est ce qu'on peut souhaiter à quiconque. Mais en termes humanitaires purs, il ne s'agit absolument pas d'une urgence humanitaire. Le vrai problème, il est à Idoménie, où il y a 11 000 personnes à peu près. Quand elles sont arrivées, c'était encore l'hiver, elles pataugeaient dans la boue. Maintenant, elles sont sur la terre sèche et en même temps à côté de ruisseaux, de mares d'eau insalubre. Il y a un manque d'hygiène, il y a un manque de toilettes, il y a un manque de douches. Il y a assez de nourriture parce que comme il y a beaucoup d'humanitaires, peu ou prou, par une sorte de miracle quotidien, tout le monde arrive à manger, mais les gens sont dans des tentes quechua pour la plupart, dans une situation terrible, et il va faire très très très chaud cet hiver à Idoménie, c'est-à-dire que cet hiver, il va faire à peu près... Cet été, excusez-moi. Il va faire à peu près 40 degrés. Il faut comprendre ce que c'est que de vivre sous une tente quechua sur un temps, sur un champ ou sur la terre ferme, sans avoir énormément d'eau, sans avoir accès à l'hygiène. Quand on a des nourrissons, parce qu'il y a des femmes qui sont arrivées enceintes, qui vont accoucher, il y a des enfants en bas âge, il y a des nourrissons. Ne pas pouvoir nettoyer un nourrisson suffisamment, l'hydrater, nettoyer les enfants, se laver les mains, faire la cuisine, faire la toilette, etc. C'est très très vite quelque chose de terrible, d'humiliant. C'est très très vite quelque chose qui relève d'une atteinte à la dignité. C'est-à-dire que les gens très vite ont le sentiment de perdre leur dignité. Et en plus, à un moment donné, il y a un problème de propagation d'épidémie qui se pose. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ce que vous avez appelé les cycles, ça va se réinstaller. Alors, il y a MSF qui est sur place, qui fait un travail formidable. Donc je fais confiance aux gens de Médecins Sans Frontières pour faire en sorte que le cycle ne démarre pas. J'imagine pas du choléra, par exemple, à Idoménie. Mais de toute façon, il faut faire plus en termes d'installation sanitaire, en termes de distribution de produits d'hygiène. Voilà. Et il faut trouver, à un moment donné, une solution pour ces gens-là qui sont englués, scotchés dans un point de fixation. Il y a quelque chose de très très important à comprendre, c'est que ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils ont entendu Angela Merkel dire « Venez, l'Europe va vous accueillir ». Et ensuite, il y a eu les élections en Allemagne et Angela Merkel a pris une claque aux élections après avoir accueilli, il faut quand même le reconnaître, près d'un million de réfugiés. Mais d'un seul coup, la porte s'est fermée, la porte de l'Allemagne s'est fermée. Comme la porte de l'Allemagne s'est fermée, la porte de l'Autriche s'est fermée, la porte de la Hongrie s'est fermée, la porte de la Serbie s'est fermée, la porte de la Macédoine s'est fermée, et maintenant c'est la Grèce qui est une sorte de réservoir où il y a tous les gens qui étaient là avant l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui sont là et dont on ne sait absolument pas quoi en faire en fait. Oui, on ne sait pas quoi en faire. Ces gens-là attendent, mais ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Là, dès que vous parlez à quelqu'un à Idomeni, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, seul ou en famille, la première question qu'il vous pose, est-ce que vous savez quand est-ce que la frontière va s'ouvrir ? Est-ce que vous savez si la frontière va s'ouvrir ? Les gens n'ont comme seul projet, comme seule idée en tête de passer la frontière. Parce qu'il y a quelque chose de très très important à comprendre, c'est que ce sont des gens qui ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus revenir en arrière parce que, s'agissant des gens, par exemple, en Syrie, qui ont quitté Homs ou Alep, ils ont quitté des villes dévastées, détruites. Ils ont tout laissé derrière eux. Ceux qui avaient encore quelque chose à vendre, une maison, une boutique, quoi que ce soit, ont tout vendu, tout ce qu'ils avaient encore, pour payer les passeurs, parce que le voyage coûte cher. Ils n'ont plus rien, ils ont tout vendu, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de métier, ils n'ont plus de boutique. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont obligés de continuer en avant. Et pour une bonne partie d'entre eux, il y a déjà une partie de leur famille, de leurs parents, qui a réussi à passer. Donc ils veulent rejoindre qui une épouse, qui un mari, qui un fils, qui un oncle, qui est déjà en Allemagne ou en Suède ou que sais-je. Voilà. Pierre Brunet, il y a quelque chose dont on parlait juste avant de prendre l'antenne, c'était comment on communique et l'importance de leur téléphone pour tous ces réfugiés. Et tu racontais qu'ils vont avec des énormes barquettes pour aller charger les téléphones dans les villages environnants. Oui, oui, oui. J'ai vu ça à Idomeni, oui, parce que juste à côté, il y a un village, le village d'Idomeni, justement, avec un grand café où les réfugiés vont et passent souvent une bonne partie de la journée. Ils payent une consommation, ils restent là et ils débarquent avec des brassées de rallonge avec des multiprises qu'ils posent sur les tables du café et ils rechargent tout leur smartphone. Et ils ont tous des smartphones d'ailleurs, ça m'a frappé. Vous pouvez voir des paysans qui viennent de l'Oruzgan par exemple, qui est une province du centre de l'Afghanistan où il n'y a absolument rien. Ce sont de pauvres fermiers afghans, mais ils ont un smartphone. Ils savent d'ailleurs beaucoup mieux s'en servir que moi. Ils sont tous sur des réseaux, sur WhatsApp, etc. Ils se tiennent au courant. Ils se tiennent au courant de la situation dans tel ou tel camp, dans tel ou tel site. Ils se disent « Ah bah là, ce site est meilleur, on mange mieux, ou c'est plus sympa, ou on a le droit de sortir, etc. » Et les gens, ils bougent parfois de site en site en fonction des informations. Ils se tiennent au courant des rumeurs d'ouverture de la frontière ou de brèche dans la frontière ou d'activité de passeurs, parce que les passeurs continuent à faire leur travail. Et ils restent également en contact avec leur famille en Allemagne, en Suède et parfois en Syrie. Et attendez, justement, on parle de téléphone. Il y a des choses qui se trament autour d'un téléphone autour de cette table. Non, peut-être pour revenir. Ça m'échappe. on va partir. Oui. Eh bien. Tout à l'heure, hors antenne, vous me disiez que vous n'étiez jamais venu ici, mais que de l'extérieur, ça vous semblait assez coupé du réel. Et justement, là, on vient de discuter pendant 10 minutes de choses très lourdes, quand même. Hein. Entendre se raconter ce qui se passe dans tous ces camps de réfugiés dans les Balkans, c'est difficile de rester sans émotion. Et peut-être que c'était justement de ce réel-là difficile et chaotique dont vous vouliez parler quand vous nous disiez que Nuit Debout vous semblait coupé du réel. Donc on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire un tour avec vous autour de la place et de voir ce que votre regard qui revient d'un coin du monde qui ne va pas très bien a à nous dire sur la place de la République. Alors on prend le téléphone, ce fameux téléphone qui nous a permis d'assurer plein des antennes. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà, donc on va prendre les téléphones, nous aussi, et on va aller se promener sans casque, sans... Oui, tout va bien, vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors c'est parti. On est donc avec Pierre et Alice. Oui, alors on est là, on est toujours là. Donc là, vous voyez, Pierre, vous avez le droit à la petite balade au téléphone. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, on aime bien. Merci beaucoup. Je me suis déjà promené d'ailleurs parce que j'étais en avance, voilà. Je vois qu'il y a beaucoup plus de monde d'ailleurs que quand je suis arrivé. Alors, quand tu es arrivé, Quelle était ton idée? Voilà, je crois que tu m'avais dit que tu es un homme d'action et que pour toi ici, ça parle beaucoup. Tu es un écrivain en même temps, c'est vrai. Je suis un homme de plume, mais c'est vrai que l'action pour moi, quand on parle d'engagement, ce qui compte pour moi, c'est l'action, c'est-à-dire la capacité à s'engager dans le réel, à mettre les mains dans le cambouis et éventuellement à changer le réel. Voilà. Maintenant, ce que je vois est sympathique, c'est-à-dire que je vois beaucoup de sincérité. J'ai pas envie de critiquer d'ailleurs quelque chose que je connais assez peu, puisque c'est la première fois que je viens ici. Mais spontanément, ma première impression, intuitivement, voilà, j'avais la sensation, je l'ai toujours, qu'il y a peut-être une déconnexion du réel, une manière aussi de se regarder entre soi et de se renvoyer mutuellement une image valorisante, chaleureuse, sympathique, voilà. Ce qui est très très bien d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de jugement à porter. Mais je me sens pas toujours très concerné, voilà. Alors là, on vient de passer devant une réunion, donc une assemblée, une commission sur la mixité. Donc peut-être qu'on peut aller écouter un petit peu. C'est la commission féministe. Alors la commission féministe a justement beaucoup fait entendre parler d'elle, puisque tous les soirs dans l'espace de la commission féministe se déroulent des réunions qui se déroulent en deux étapes, c'est-à-dire que la première étape est une réunion non mixte avec donc que des femmes, et ensuite la réunion s'ouvre à la mixité et là on a des réunions avec des hommes et des femmes. Et justement cette non mixité a beaucoup beaucoup beaucoup fait parler d'elle, c'est-à-dire est-ce que la non mixité est essentielle pour faire avancer le débat, etc. Justement, vous parliez d'entre vous. Alors, je vais pas commencer à parler du féminisme, parce que bon, je me sens également étranger d'abord en tant qu'homme qui se sent bien dans ses baskets, mais c'est quelque chose que je comprends assez peu. Je vais vous répondre encore une fois de manière toujours très concrète sur la question. Pour moi, les féministes, je pense qu'ils devraient aller en Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. En France, évidemment, il y a encore des tas de choses à faire, hein, notamment l'inégalité au niveau du salariat, certaines formes de vulgarité que peuvent parfois avoir les hommes gratuites et dans la rue. Mais ça me semble assez accessoire, pour être tout à fait honnête, avec le sort atroce qui est fait aux femmes dans certains lieux du monde, et où là il y aurait de quoi employer l'énergie et la radicalité de certaines féministes. Donc j'engage les féministes radicales à aller faire un tour en Afghanistan. Donc nous à Radio Debout, pour nous c'est très important de donner la parole à des voix comme les tiennes, qui sont pas justement forcément dans le sens de ce qui se passe sur la place. Alors, par exemple, là, on a une autre commission, c'est la commission antispécisme. Donc, alors, l'antispécisme, c'est considérer le fait que toutes les espèces sur Terre, en fait, le concept même d'espèce ne devrait pas exister, et que nous sommes tous au même niveau, c'est-à-dire que le criquet, ou moi, nous sommes les mêmes, et que donc, si je marche sur le criquet, je me tue un peu moi. Alors, d'abord, je suis, sur le principe, je vais vous surprendre, mais je suis assez d'accord dans l'absolu avec ça, parce que nous sommes tous des créatures du Seigneur. Donc, évidemment, nous avons tous été créés par Dieu. Et par ailleurs, les Sikhs ont déjà inventé l'antispécisme depuis des millénaires, puisque les Sikhs, qui est une religion d'Inde, respectent toute forme de vie. Et par exemple, quand ils s'assoient sur une chaise, ils époussettent la chaise afin d'être sûr de ne pas écraser un insecte. Donc on n'a rien inventé. Et voilà. Et pour continuer là-dessus, je pense que le sort qu'on fait aux animaux est très très important. Et je pense que la barbarie dont sont capables les hommes envers les hommes s'enracine dans la barbarie dont sont capables les hommes envers les animaux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette barbarie première, qui est la barbarie de l'humanité envers l'animalité, il n'y aurait pas cette barbarie des hommes envers les hommes. Ce que je veux dire, pour la faire courte, c'est que Auschwitz ne serait pas possible s'il n'y avait pas les abattoirs avant. Voilà. Eh bien, vous êtes donc sur Radio Debout avec Pierre Brunet. On fait encore un petit tour de la place. Donc avec Pierre, qui n'était jamais venu avant ce soir. Donc moi, je suis très content, parce que parce que c'était important pour moi que tu viennes. Moi, je suis à Radio Debout depuis le début. Oui, tu m'as dit, oui. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est transformatif. Alors, effectivement... Est-ce que tu peux m'expliquer ce mot, ce jargon Nuit Debout que je ne maîtrise pas? Non, c'est mon jargon à moi. Qu'est-ce qu'un événement transformatif? Est-ce que vous pouvez le traduire? Ça veut dire que je pense que les gens qui viennent ici, comme moi, qui ne sont pas des militants... alors, il y a des militants, hein, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des militants. Je ne suis pas parti de Nuit Debout. Mais j'entends ce qui se passe. Les gens parlent, c'est vrai, hein, ils agissent pas encore, mais ils se rencontrent. Il y a des gens peut-être qui... Alors peut-être c'est de l'entre-soi. C'est vrai que on peut dire un peu de l'entre-soi, mais c'est un peu plus que de l'entre-soi quand même. C'est-à-dire c'est un peu plus large, je pense. Et donc transformatif, pour moi, ça veut dire que à mon niveau tout personnel, dans mon corps ici, dans mon sourire, depuis que je suis venu ici, oui, je ressens plus de joie. Comme une sorte de conversion, c'est pas religieux, mais quelque chose de cet ordre-là. Ça va loin quand même. Là, c'est quand même c'est quelque chose d'assez fort. Le terme de conversion, on touche presque à la mystique. Mais là, tu parles d'une mystique citoyenne. Oui. Une mystique politique. Mais écoute, j'ai envie de dire, tant mieux. Je ne me sens pas atteint. Voilà, je suis pas comme Claudel d'un seul coup foudroyé par la grâce. Mais j'ai envie de dire, si ça rend les gens heureux ici, s'ils ont le sentiment d'avancer dans leur vie collective et personnelle, eh ben, bravo. Ce que je souhaiterais, pour revenir à mes préventions du début, c'est que cette place où les gens disent en tout cas qu'ils sont en train de réinventer la démocratie et le dialogue citoyen accepte la différence, accepte la contradiction, accepte la présence de gens qui ne pensent pas comme eux. Et je dis ça parce que j'ai entendu parler de l'expulsion d'Alain Finkielkraut et je dois dire qu'elle m'a beaucoup choqué. Personnellement, parce que je me suis dit que quand on veut réinventer la démocratie et le dialogue, on ne peut pas commencer par exclure et condamner ceux qui ne pensent pas comme vous. Voilà. Mais justement, à propos d'expulsion, on vient de passer devant le stand Ring Debout, quand même, que je n'avais jamais vu. Hein, le stand de la Fédération de boxe. On va aller voir. Mais je vais y aller parce que je pratique moi-même la boxe en amateur, donc voilà. Ring Debout, c'est formidable. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. On est Radio Debout. Oui. Et Ring Debout. Alors c'est quoi Ring Debout? C'est-à-dire c'est depuis une vingtaine de jours un peu distance. Non, oui, d'accord, un peu distance. Pardon. Dans la boxe, on se bagarre, on fait la boxe de distance. Oui, alors depuis une vingtaine de jours, j'ai commencé de donner les cours de boxe sur place. Voilà, alors je donne des cours de boxe, les gens qui ont envie d'apprendre un peu la boxe, et je m'en occupe de ça, et je suis entraîneur officiel et écrivain, les deux. Alors, ça tombe bien parce qu'on a avec nous un invité qui est écrivain et qui pratique la boxe française. En amateur, non, la boxe thaï et le kickboxing, en amateur. Donc je suis très très heureux de vous rencontrer. Effectivement, je trouve que boxe et littérature sont faits pour aller ensemble. Voilà, alors oui, c'est-à-dire que même j'avais... Le boxe, c'est le sport des écrivains. Oui. C'est-à-dire... Hemingway, Norman Mailer, Jack London. Sur le ring. Il s'appelle Sur le ring, ou Hemingway s'appelle 50 000 dollars. Alors il y a quelque chose d'énorme, surtout en Amérique. Dans la culture anglo-saxonne qui s'appelle, on peut le dire, littérature de boxe. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Pierre a écrit un livre qui s'appelle Jab. Un roman sur une boxeuse prof. Alors, j'écris moi-même en persan, surtout sur Hemingway et Jack London. Et je les ai critiqués sur la méthode de boxe qu'ils proposaient. Ils avaient beaucoup d'erreurs. Voilà, vous voyez par exemple Hemingway dans le 50 000 dollars. Il est en train de conseiller à son boxeur. Là, il est en train de faire des mouvements de boxe. Il est en train de faire des jabs, un direct du bras avant. Alors, de gauche, un gauche qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette gauche, ça peut être un gauche pour préparation d'attaque, ça peut être une gauche pour éviter une attaque grave, Alors, il faut qu'on voit que cette gauche, si on l'utilise assez souvent, c'est pourquoi. Alors, je dis que alors la droite, ça sert à quoi? Tu as oublié, là, cette droite. Alors, mais c'était ça, c'était la boxe de 1925. On doit y aller, on nous appelle. Mais merci beaucoup, vous êtes sur la place. Comment vous appelez? Issa Safa, et c'est le roman qui s'appelle Le Séparé. Ouais. C'est Le Séparé, Issa Safa, chez Armatan. Merci beaucoup. Voilà, on va rentrer à la radio, sous la tente. Je suis. Oui. Et on va passer à la suite de la soirée, peut-être à l'AG. Si vous voulez basculer à l'AG, vous pouvez, je pense, si vous nous entendez. On a fini, Pierre. Voilà, il y a beaucoup de monde hein, quand même ce soir, Pierre. Oui, il y a beaucoup de monde, et je vais rester un peu, je vais regarder. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes à la radio, toi? Oui, je vais rester à la radio. Ah, donc, on est donc toujours sur le téléphone et on va se rasseoir et on va passer à l'AG. On va passer donc sur Radio Debout. Merci beaucoup Pierre Brunet. Pierre Brunet qui n'aime pas trop la nuit debout, mais qui a été très. Merci de votre accueil en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on va passer donc à l'AG tout de suite, l'Assemblée Générale. Votre case neuve qui propose qu'ils les envoient faire le sale boulot. Voilà, c'est tout. Grève générale, quoi. Grève générale, y compris la police. C'est à moi, là, non ? Zélie. Ouais, ça fait peur. Donc moi, je voulais juste dire que je pense qu'il n'y a pas que Nuit Debout qui va s'organiser par rapport à cette journée d'action de la police. Je pense que notamment ceux qu'on se permet d'appeler casseurs jusqu'ici vont s'organiser, que sûrement des antifas, donc je ne sais pas, mais je ne sais pas si du coup il y a des gens ici qui peuvent être en contact avec eux et pour que soient les décisions qu'on prenne d'être violent ou non, ou de faire une action ici ou non, de voir avec ces gens-là ce qu'ils, eux, décident de faire et d'en parler avec eux aussi. Que ce n'est pas que Nuit Debout qui est contre les violences policières et qui, voilà, qu'il faut aussi voir avec eux. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais c'est quoi ton nom ? Inès. Tu n'es pas sur la liste. Ah bah, je l'ai mis sur le cahier. Bon, mais je vais te le dire, de toute façon, on a besoin d'une nana. Et je voulais juste poursuivre après la camarade. Je suis absolument d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et s'il y a un dialogue à mener, il est avec les personnes et les groupes dont elle parlait et les personnes, les groupes contre les violences policières, les familles de victimes qui sont là souvent. On est là souvent à Nuit Debout ici ou à Saint-Denis et que pour le coup, c'est là où il faut voir quel type d'action on peut mener, comment réfléchir et poursuivre leurs actions et non pas dialoguer avec Alliance qui me paraît quand même particulièrement ridicule. Je me permets de prendre la modération quelques instants et je vais à tout ça pour une sorte de formalisation. Puisque Fred avait quelque chose à dire qui faisait la modération, donc il avait pris un tour de parole avant de prendre son... Bon, moi, c'est un témoignage que je veux apporter. J'étais à Madrid le 15 mai 2012, et il y a eu une manif policière qui était très bizarre dans l'ambiance. Et en fait, c'était une mascarade. Les policiers en uniforme ont posé leur casque et leur bouclier devant la manifestation. En guise de voilà qu'ils n'allaient pas user de violence. Le problème, c'est que le lendemain, il y a eu une manifestation contre les violences policières et il y a eu des violences policières. Donc tout ça, c'était une mascarade pour les journalistes de montrer des gendarmes poser leurs casques et leurs boucliers. Ça a fait le tour du monde un peu, sauf que personne ne savait que c'était une manif policière. Donc ce qui est ressorti, c'est que les gendarmes avaient Les policiers, la Guardia Civile avaient posé leur casque et leur bouclier, donc ça n'a pas servi beaucoup. Moi, j'ai une idée sur de quoi faire. Vu qu'ils seront tous là le 18, pourquoi nous, on n'irait pas tous ailleurs occuper des bâtiments, prendre la place, prendre des commissariats, les mairies, les postes et compagnie, puisqu'ils sont tous là. Comme ça, nous, on n'assistera pas à leur mascarade, parce que de toute façon, c'est un théâtre, un peu comme les hommes politiques. Et ça, c'est orchestré par les hommes politiques, Alliance et tous les syndicats. Tous les syndicats sont gérés par les politiques. Ils ont des petites enveloppes sous la table, les pommes. Nous, on est le peuple. On n'a pas les petites enveloppes. Donc, c'est à nous de s'organiser pour créer autre chose. Et créer autre chose, pour moi, ça passe par l'occupation. L'occupation, c'est entre la violence et la non-violence. Ça s'appelle de la résistance. Moi, je suis à 10 depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'occupe. Je suis un petit boulanger qui a posé beaucoup de problèmes juste par ma présence et ma occupation. Donc là, on est beaucoup de petites personnes qui n'ont pas l'importance. Et on peut en prendre de l'importance en s'unissant et en le 18 et après, en bloquant et occupant tous les bâtiments publics qui nous appartiennent et en les faisant tourner. Radio Debout, la radio dont le cœur bat et boue. Radio Debout, bonsoir. Alors nous, on se retrouve maintenant avec Youssef qui se trouve à Tours. Youssef, est-ce que tu nous entends ? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous les nuits deboutistes. Bonsoir Youssef. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à Tours et quelles sont les avancées de Nuit Debout de ton côté ? Alors, à Nuit Debout Tours, au départ, on était parti il y a 3 semaines sur quelque chose de construit tout le long de la semaine. On a revu nos ambitions un peu à la baisse pour pouvoir avoir un maximum de personnes parmi nous. D'accord. Donc, du coup, en semaine, on fait des soirées debout et le week-end, donc des nuits debout, week-end et jours fériés comme là, donc on va pouvoir enchaîner jeudi, donc ce soir, demain soir, samedi et dimanche, en sachant qu'il y a une petite délégation qui va venir dans le cadre du rassemblement 7 et 8 mai donc à Paris pour Place République. Là en clair, on est encore dans la libération de la parole et dans l'occupation de la place publique. On a tous les jours de nouvelles personnes et des curieux qui viennent nous encourager et nous apporter des choses à manger et à boire. D'accord, d'accord. Bon, ouais. vous êtes plutôt bien entouré. Et du coup, les Tourangeaux, il me semble. Comment les voisins de Nuit Debout reçoivent un petit peu la manifestation ? Comment ça se passe avec le voisinage ? Alors, on a beaucoup de sympathie et de sourires et d'applaudissements de la part d'automobilistes, de badauds, en plus il commence à faire beau, donc de gens qui s'attardent à l'extérieur. Ça se passe bien. En revanche, avec les autorités, c'est un minimum syndical fait de leur part. Donc l'événement est déclaré systématiquement à la préfecture. Ouais. On ne les voit que si on part au-delà de l'horaire accordé. Autrement, on ne les voit pas, on les voit passer et c'est un rapport très glacial, froid pour ne pas dire glacial. Ok. Vous êtes combien là actuellement sur la place ? Là, on est une vingtaine de personnes, une bonne vingtaine de personnes. Une bonne vingtaine de personnes. Et depuis le début du mouvement, vous pensez avoir créer comme ça une régularité des gens qui viennent. Tout à fait. Hein. On déjà au niveau de l'organisation, il y a un petit groupe qui est constitué. Et au niveau donc des réguliers, il y a ce groupe d'une vingtaine de personnes qui est constitué. En sachant que quand les étudiants, quand le mouvement étudiant, parce qu'on a un gros mouvement étudiant sur Tours, qui est Tours en agro, nous rejoignent, ça nous fait en fait des soirées où on peut être une bonne soixantaine de personnes. D'accord. Bon, on l'a déjà été. Ce qui est plutôt bien. Tout à fait. Ouais. On est vraiment ici, donc à Nuit Debout, on essaie d'accompagner les étudiants et les salariés dans le cadre des convergences des luttes. Ouais. Nous essayons de les accompagner. On les accompagne sur des opérations péage, opérations de blocus McDo, MEDEF. Beaucoup d'actions. Oui, tout à fait. Mais ces actions... à l'heure actuelle, sont initiés par le mouvement étudiant et Nuit Debout, dans le cadre des convergences des luttes, se montrent solidaires et présents avec, avec force pour les accompagner. Bon, super, super, très bien. Ouais. Écoute Youssef, tiens-nous au courant un peu de la suite du mouvement qui se profile à Tours. Et, ouais, tout à fait. Tu es le bienvenu sur l'antenne de Radio Debout. Ok, ben j'ai noté les coordonnées, ou de même, et puis on reste en contact et on ne lâche rien et plus jamais on se couchera. Ouais, on reste debout, on reste debout. Exactement, debout tout le temps. Bonne soirée Youssef. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Et bon courage à tous. Debout, radio, debout, radio. Debout, radio, debout, radio. Debout, debout, radio, debout. Alors on est de retour donc ici avec Sophie et Jérémy qui vont nous parler un petit peu plus en amont de la commission média. Tout à l'heure on a donc reçu Sophie aussi pour parler de la... Oui, c'était une autre Sophie. C'était une autre Sophie. C'était oui. Sophie Eustache et Julien Bonnet qui sont venus nous parler tout à l'heure. De la commission presse écrite, enfin de l'aspect presse écrite plutôt, voilà. Qui voulait aborder un peu plus dans la commission. Reporter atterré. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont venus, effectivement, on a parlé ensemble à la commission Média Debout. C'était la toute première réunion de la commission Média Debout ce soir à 19h. Et on est hyper contents parce qu'il y a eu plein de monde. On a on a vachement avancé sur les problématiques qu'on voulait mettre en avant. Et donc, Média Debout, ça fait un petit moment que je songeais à lancer cette commission avec d'autres personnes, dont Jérémy. On y pensait et on n'avait pas encore réussi à le faire. Et là, ça y est, on l'a concrétisé. Et donc, ce soir, on a parlé principalement de la précarité dans le monde des médias, des acteurs des médias, en fait, toutes les petites mains qui fabriquent l'information. Ça va des rédacteurs, des pigistes, des journalistes, jusqu'aux intermittents des plateaux télé, tous ceux qui sont dans les milieux médias et qui, de par leur précarité, ont de plus en plus de difficultés dans leurs conditions de travail et les conséquences que ces difficultés ont sur la qualité de l'information, en fait, sur la qualité des programmes qu'on présente aux spectateurs et aux gens, au peuple, quoi, ce qu'on donne à voir au peuple dans les masses médias. Alors en effet, tout à l'heure, vos collègues nous parlaient justement de cette précarité-là et du fait que justement, oui, il y avait des problèmes de financement et du coup, ça a amené aussi des problèmes de ligne éditoriale aussi très forts. Vous pouvez nous parler un petit peu plus du cas spécifique de la télévision et des médias un peu plus audiovisuels, vu que vous êtes dedans un petit peu de la situation actuelle qui s'y passe, oui, par rapport à ça. Bah, clairement, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la télévision. J'ai commencé à France Télévisions au service d'autopromo de France 5 et j'ai vu d'année en année les conditions de travail se dégrader, devoir travailler à flux tendu, devoir toujours speeder pour faire des rendus. Tout est encouragé pour travailler au plus vite et donc forcément pas au mieux, quoi. Et donc c'est vrai que ça se pérennise partout, dans toutes les émissions où je travaille. On a de plus en plus de mal à avoir effectivement des conditions pour créer du contenu fouillé, détaillé, avec des enquêtes approfondies qui vont donner une information juste et claire. C'est de plus en plus la difficulté dans les masses médias, particulièrement, je pense aux pigistes d'ITélé, de BFM, ou même les chaînes comme M6. Il m'est arrivé de voir un gars stagiaire devoir faire un reportage, le son, l'image, et speeder pour rendre ses images et à peine avoir le temps de traiter l'info, quoi, et pas du tout retranscrire le terrain, en fait. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que la plupart des gens regardent les informations comme une source fiable et objective d'infos pour savoir ce qui se passe, par exemple ici à Nuit Debout, et on se rend compte qu'au final l'information est biaisée et n'arrive pas avec justesse, parce que c'est souvent des mensonges qui sont racontés, comme notamment lors de l'évacuation des migrants qui a eu lieu hier, où on a carrément vu en direct le gars d'ITélé mentir à l'image et se retrouver à à raconter un mensonge éhonté, à savoir qu'il y avait eu des coups envers les forces de l'ordre, des pavés jetés sur eux, alors que c'était totalement faux. Oui, donc en fait, ce que vous dénoncez, c'est que la télévision, qui est en fait finalement la principale source d'information de la majorité de la population française, offre une information en fait qui est dégradée ou en tout cas pas satisfaisante. Mais comment est-ce qu'il est possible de contrecarrer ça ? Justement, c'est ce qu'on aimerait mettre en place comme piste avec cette commission. C'est à ça qu'on veut réfléchir. On aimerait trouver un système de financiarisation des médias, réfléchir à d'autres possibilités de financer les médias de façon indépendante, pour qu'ils soient indépendants de la publicité, indépendants des audimats, du coup, puisque c'est la notion de publicité qui engendre la course à l'audimat, hein. Et aussi des médias libres de tout lobby, les gros lobbies qui possèdent les groupes médias, que sont Lagardère. Donc trouver d'autres formes de un autre système, en tous les cas, médiatique. Et vous ne trouvez pas qu'il existe déjà, Jérémy, ce système alternatif, hein, ces médias alternatifs ? Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé déjà devant... Je voulais parler un petit peu de ce qui s'était passé déjà aussi devant le lycée. Donc les réfugiés de guerre qui sont partis dans les bus. Et la réaction de ITL et comment ça a été repris par l'AFP qui a contacté... Qui a contacté Le Figaro, France Info, BFM, qui a relayé aussi, en disant, voilà, comme ce que vient de dire Sophie, qu'il y avait eu des provocations de la part des manifestants, ce qui est absolument faux, que c'était justement le mot d'ordre, c'était justement rester pacifique jusqu'au bout. Si on vous demande de partir, vous partez. Et quand chacun est rentré chez soi et les gens ont lu les articles, on n'a pas compris pourquoi. Alors est-ce que c'est pour... C'est pour générer du clic, c'est pour que les articles jouent sur quelque chose qui est vrai, mais le déformer pour désinformer les gens. Et donc on n'arrive pas à comprendre la stratégie parce que les choses vont, les choses se sachent. On sait tout, la vérité éclate toujours un moment, donc pourquoi mentir ? Grâce à Periscope et grâce à nos réseaux, à nos médias alternatifs qui sont en train de naître à Nuit Debout, il y a eu des périscopes qui ont été faits pour filmer après le reportage d'ITL. Ils ont filmé les journalistes d'ITL et ils leur ont fait admettre, reconnaître qu'ils avaient fait une méprise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, ces jeunes journalistes, ils sont sous le joug de leur rédaction et clairement... On voit bien qu'ils ont envie de plaire à leur rédaction parce qu'on leur demande de mettre l'accent sur la violence. C'est évident que c'est une ligne éditoriale qui est dictée par la direction d'ITL, par la direction de BFM. C'est pas possible que ces jeunes journalistes qui soient sur le terrain, qui voient des choses, aillent dire l'inverse. Pourquoi est-ce que c'est... Et ils l'ont admis à l'antenne, on l'a filmé, il y a une vidéo qui circule. Alors, qu'on a postée sur la page Facebook Média Debout. Justement, par rapport à ça, on voulait évoquer le fait de médias et contre-médias, enfin un petit peu oui. Cette idée du fait que les médias institutionnels, donc du coup, permettent par la force humaine qu'ils ont derrière une analyse de toute l'information qu'ils recueillent et du coup d'avoir un vrai point de vue sur l'actualité. Là où Periscope ou des choses comme ça sont plutôt des outils de captation et de retransmission quelque part, avec, même si on n'en a pas une certaine objectivité, c'est-à-dire qu'on n'y a pas d'analyse derrière, quoi. Et comment est-ce que vous voyez peut-être dans le futur un équilibre s'instituer entre ces deux choses-là, c'est-à-dire que... Voilà, on n'y a pas encore réfléchi, là. D'accord. Ça va trop loin. Pour l'instant, notre commission, elle vient d'être créée. Nous, on constate simplement, on constate juste que les masses médias font de la désinformation, que les masses médias touchent une grande majorité de gens et contribuent à formater l'opinion publique. Et on constate qu'il faut qu'on s'attaque à ça à Nuit Debout et qu'on y réfléchisse et qu'on propose une stratégie et qu'on en ait conscience, qu'on ne le nie pas. Parce qu'en fait, oui, le but aussi de cette commission, c'est d'arrêter de stigmatiser les jeunes travailleurs précaires bossent dans les médias, qui viennent sur la place et qui se font lyncher, insulter en mode « Ah, oh, toi t'es BFM, toi t'es ITL, on veut pas te parler, etc. » C'est quoi eux, la raison de eux ça Eux ne sont responsables de rien. Bah, parce qu'effectivement, les gens en ont marre des médias, comme on les appelle, les gens en ont marre d'être baladés d'une info continue. Les gens sont tout à fait conscients, la plupart des gens en ont ras-le-bol des médias. Il n'y a rien qu'à voir les sondages, on le voit tout le temps, la population perd confiance dans la télévision, perd confiance... Donc les gens ne sont pas bêtes, l'opinion publique n'est pas bête, mais malgré tout, à force d'être matraqué tout le temps, ces masses médias matraquent des fausses infos et ça finit malgré tout par rentrer et par formater l'opinion des gens, même s'ils essayent d'en être conscients. Jérémy ? Bah, le truc, c'est vrai que par rapport à Periscope, je pense que les médias de type BFM, ITL, LCI vont aussi adapter une nouvelle manière de filmer sur le terrain. Je pense que c'est en cours de réflexion. Je pense que ce qu'a amené Rémi Buzyn pour le mouvement est vraiment très important. C'est l'objectivité et la neutralité du commentaire. C'est ne pas prendre parti pris, essayer de relayer l'information comme elle est et comme elle est perçue au moment des faits. Et je pense que BFM et tous ces médias ont intérêt à surfer sur cette mode parce que voilà. Parce qu'il faut dire les choses comme elles se passent et arrêter de passer par des canaux, faire un montage. Et puis il y a plein de périscopes, du coup, il n'y a pas que Rémi, il y a Romain, il y a... Bien sûr, Rémi est arrivé... Oui. Bon, Rémi a lancé cette mode d'information sur le fait avec un commentaire très neutre. Et il y a beaucoup de périscopeurs et de périscopeuses qui se mettent aussi à leur tour à couvrir l'événement et ça prend du coup... Ça couvre des actions, ça couvre ce qui se passe à République. Donc j'invite les Parisiens et les Français à se connecter sur Periscope et à regarder aussi l'information du réel. Super. Et des faits. Eh ben, merci beaucoup par rapport à cette ouverture. Je pense qu'on attend avec une impatience assez grande les résultats des travaux de la commission Média. N'hésitez pas à venir juste sur la page Facebook. Alors Média Debout sur Facebook et il y a un compte Twitter qui s'est créé aussi. Qui s'appelle @DeboutMédia. Je sais pas pourquoi c'est Twitter qui a généré ce truc-là. Et du coup, donc, @DeboutMédia et une adresse mail, mediadeboutparis@gmail.com. Et venez à 19h derrière Radio Debout sur la place de la République. On va se réunir demain. Super, bah merci beaucoup Sophie et Jérémy. Merci à vous. Et tout de suite, on va entendre la deuxième partie d'un reportage qui nous a été envoyé de Bruxelles par Caroline et Pieter sur la nuit debout à Bruxelles. Deuxième partie. À Liège, il y a le Valeureux. À Mons, on a le Ropi qui a été lancé, mais qui va être relancé dans le courant de l'année. Et je crois qu'à Bruxelles, il doit y avoir une monnaie aussi, mais je n'ai pas encore trouvé. Mais elle doit exister. Hein. Donc pourquoi pas faire que ça? Pourquoi pas relancer les programmes tels que les SEL et d'autres systèmes? Pourquoi pas ouvrir une page où on échange nos objets qu'on n'a plus besoin, qui sont en train de dormir dans les armoires, et des choses comme ça? En France, il y a eu deux filles qui ont créé une page avec, c'était je crois des noisettes ou des choses comme ça, et elles échangeaient, c'était cinq noisettes, une heure de jardinage c'était 30 noisettes et des choses comme ça, et ça permettait une autre économie, une économie alternative. Et donc faisons-le, pourquoi on le fait pas? Alecrim, alecrim, do ralo que nasceu, do campo se seu meado, foi meu amor. Que me disse assim que a flor do campo, Moi je suis Liane Van de Pute et je fais partie des Divas du Gazon. Et voilà, Corentin c'est un super bon copain à moi et il a fait un appel à projet pour les Nuits Debout. Et les filles ne pouvaient pas venir, mais j'avais très très envie de participer pour créer du mouvement, pour faire bouger, dynamiser tout ça, pour que ça rameute du monde et pour apporter ma petite pierre à moi, parce que moi ce que je fais c'est de la musique et voilà, j'avais envie de pouvoir amener ça aussi. Ça représente quoi ton avis? Oui, c'est la première fois que je viens. Bah, pour moi, c'est revenir aux bases et à la vraie, vraie communication et au vrai partage. À la base d'une société, c'est quoi? C'est les gens, et c'est les gens ensemble qui créent ensemble. Et je crois qu'on a tous un peu oublié ça. Et voilà. bien de revenir à ça. On a fait pas mal d'activités artistiques. On a essayé de créer un club poésie, un club cinéma, projection. On essaye de faire beaucoup de choses, de rendre tout ça vivant. Et je pense que c'est très important que ce soit pas juste de la parole, mais aussi des moments de poésie, d'art. Aussi avec des craies un peu partout pour que les gens s'approprient l'espace. Oui, voilà, avec des craies. On a essayé de faire des acrostiches avec... Dire aux gens que c'est pas parce qu'ils font un métier qui est pas du tout artistique qu'ils peuvent pas à un moment prendre la parole, prendre une craie, écrire ce qu'ils ont envie d'écrire sur le monde des arts. De toute façon, ça reste pas et puis c'est effacé. Et le lendemain, ils peuvent réécrire autre chose s'ils ont envie. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est un perpétuel recommencement. Une jolie quantité de dollars disparus, un hélicoptère, un mur de béton. Le climat est hostile pour ne pas dire plus. On ne s'en rend compte que quand il est trop tard. Je reste encore un peu ce soir avec joie. Les jeunes d'aujourd'hui ont de drôles de façons de faire, mais si ça marche, c'est formidable. Quand on veut quelque chose, eh bien, ensemble, parlons. Bonsoir, vous êtes sur le plateau de nuit de Radio Debout, pardon, sur la place de la République. Et nous sommes ce soir avec Timothée et avec Lou Salomé, c'est ça? Alors Timothée, tu fais partie du collectif La Chapelle Debout et on t'a invité ici ce soir pour raconter ce qui s'est passé. On en a déjà parlé hier, mais on voulait avoir quelqu'un du collectif pour nous raconter vraiment ce qui s'était passé hier au lycée Jean Jaurès, voilà, qui était occupé donc depuis le 21 avril. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé hier matin? Donc c'est à partir de 6h du matin, puisque l'avis d'expulsion avait été rendu par le tribunal de grande instance et qu'il a été effectué, l'évacuation du lycée a été effectuée de manière assez violente hier matin. Exactement. Donc en fait, je vais commencer un tout petit peu plus tôt, la veille, le soir. À partir de 20h15, on était censé ne plus être dans le bâtiment. Donc nous, on avait fait appel aux voisins et d'autres gens, le Mis Debout, etc., pour venir soutenir les migrants qui étaient à l'intérieur du bâtiment pour protéger l'occupation. Il y avait combien de personnes à l'intérieur de ce bâtiment ? Il y avait à peu près 300 migrants, plus les soutiens. D'accord. Et les gens ont commencé à arriver le soir déjà. Il y a des gens qui ont passé la nuit, ils ont dormi devant le bâtiment où ils ont joué de la musique toute la nuit. Une très bonne ambiance, je dois dire. À partir de 5h le matin, il y a des gens qui ont commencé à arriver plus massivement. Vers 5h30, je pense que la plupart des gens étaient déjà là, vers 6h, vraiment tout le monde. Finalement, à peu près 200, peut-être un tout petit peu plus que 200 personnes. Je ne suis pas tout à fait sûr des temps, mais je pense à peu près vers 6h15, parce qu'on pensait à un moment qu'ils ne vont pas venir. Et du coup, on a reçu un coup de téléphone nous disant que les cars de CRS descendaient rue de Belleville. Et vers 6h15, ils sont arrivés. Ils ont bloqué d'abord avenue Simon Bolivar des deux côtés pour que plus personne arrive. Et ils avaient déjà bloqué avant le métro Pyrénées, pour que plus personne n'arrivait par métro pour soutenir. Et après, ils sont venus massivement depuis le côté sud, depuis rue de Belleville, vers le lycée. Et puis, à peu ce moment-là, et je pense que c'est vers 6h30, ils ont commencé à pousser. Alors attends, devant le lycée, il y avait des gens, donc des voisins qui étaient venus protéger les migrants. Tout à fait. Donc des gens qui étaient assis de manière pacifiste. Ils étaient debout. Ils étaient debout devant le lycée. Moi, j'étais à l'intérieur, donc je voyais depuis en haut. Mais je crois bien, et j'étais pas toujours avenue Simon Bolivar. De temps en temps, j'étais derrière rue Clavel pour voir ce qui se passait. Je courais un peu d'un côté à l'autre du lycée. Mais je sais qu'ils étaient dans les rondes 4 ou 5 personnes de profondeur devant l'école pour le protéger. Et les CRS sont arrivés. Ils ont commencé depuis le côté sud, qui est le porte... entrée principale pour livraison, très grand portail, qui nous utilisons comme l'entrée pour l'occupation. Et ils ont commencé à pousser les gens très violemment, très très violemment. J'étais surpris parce qu'il n'y avait pas tant Moi, j'aurais pensé qu'ils commencent un peu calmement, demander que les gens partent, etc. Mais ils n'ont pas fait. Poussé très vite, et puis assez vite, ils ont sorti le gaz lacrymogène également. Et le mot d'ordre que vous aviez, vous, c'était de rester pacifique et de surtout pas répliquer, de surtout Exactement. Pas faire monter la violence. Les gens, tous les gens qui étaient devant le lycée sont restés très pacifiques, et puis c'était le mot d'ordre. C'était vraiment de ne pas résister, ne pas faire autre chose que de rester sur place et protéger le bâtiment, mais pas attaquer les forces de l'ordre. Et pourtant, tous les échos qu'on a eus de cette évacuation font état d'une très grande violence exercée. Très grande. J'étais très surpris, j'étais derrière les portails à un moment où ils ont attaqué, et c'était très très violent, parce qu'ils ont vraiment poussé, écrasé les gens contre le bâtiment. C'était vraiment très fort. Et utiliser les gaz lacrymogènes. Et la gaz lacrymogène qu'ils ont utilisé pour dégager les gens plus vite, j'imagine. Malheureusement, le vent était dans le mauvais sens, donc je crois qu'ils ont bouffé pas mal eux-mêmes. On a vu des CRS pleurer, Mathieu dit tout à l'heure. Pleurer, cracher, etc. Et à la suite de ça, donc ils ont évacué le lycée, ils ont vidé donc. À la suite de cela, ils ont évacué les gens devant. Donc ils ont libéré la façade avenue Simon Bolivar. Ils sont passés de l'autre côté. Rue Clavel, qui est l'entrée principale du bâtiment, que nous on pensait qu'il était plus protégé parce qu'il y a une grille qui passe devant tout le façade, mais en fait ils sont arrivés là-bas derrière, on avait moins de monde, on avait une petite équipe de 30-40 personnes, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et là ils ont commencé tout de suite, ils sont arrivés avec les bus et les forces, ils ont commencé à couper le gris qui fermait l'entrée. Il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas résister. Seven nous a rejoint sur le plateau. Alors en fait, Seven, toi tu disais que tu étais à l'intérieur du lycée quand tout ça s'est passé et que tu as fait avec donc, tous les migrants le processus, hein, c'est-à-dire que tu as été emmené, tu as été au commissariat, etc. Alors peut-être que tu peux nous raconter à partir de ce moment-là, à partir du moment où les forces de l'ordre sont entrées dans le bâtiment. Oui, qu'est-ce que je peux en dire ? Alors ils sont infiltrés dans le bâtiment, parce que je peux plus dire qu'ils sont infiltrés, quoi, parce qu'ils sont rentrés de tous les côtés. Moi j'avais vu, j'étais au premier étage, il y a une grande baie vitrée, donc j'avais vu comment ils ont gazé tout le monde et qu'ils ont poussé, quoi. Après ils nous ont regroupés dans la cour. Et après dans la cour ils ont tous les soutiens ils les ont dégagés, un par un, ils les ont repérés dans la foule, ils les ont dégagés, c'était très violent. Il y a eu des bagarres en fait, il y avait plein de bagarres à l'intérieur, des scènes violentes. Alors Anthony, je vois, tu hoches la tête. Oui, Timothée. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste que au niveau de bagarres, nous on est restés très pacifiques. Donc il n'y avait pas de. C'était de leur part, hein. C'était clairement de la violence exercée par la oui, police. Oui, ils étaient très violents, nous on est restés très pacifiques. Moi j'ai eu la première personne qui était sortie. Et c'était difficile le moment parce qu'en fait ils ont insisté, nous on a insisté sur le fait que c'était une expulsion. Donc dans une expulsion, il n'y a pas une évacuation, ils n'avaient pas besoin de nous rafler. Donc nous on a insisté de rester, en fait les migrants, on a insisté de rester ensemble, de sortir ensemble. C'était leur demande. À un moment, les femmes ont décidé de passer devant pour protéger le reste de l'équipe. Et à ce moment-là, les forces de l'ordre ont tenté de séparer les femmes des autres. C'était exactement ce qu'ils ne voulaient pas faire. À ce moment-là, nous, tous qui étaient devant, hommes, soutien et autres, ont tenté de protéger les femmes. Et puis moi, je me suis mis entre les femmes et les CRS. Et c'est là où ils ont tenté d'abord d'attraper Houssam, qui était de l'autre côté. Et moi, d'après, ils m'ont pris. Et puis moi, je me suis sorti à ce moment-là. Donc, ils m'ont pris par les mains et les pieds, ils m'ont soulevé, ils m'ont fait partir du bâtiment. Et ils ont été ensuite emmenés au commissariat ? Ou emmenés dans des bus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, ils ont sorti un par un des autres soutiens, pour qu'ils n'avaient pas de... En fait, on pense plusieurs choses. On pense d'abord pour une question raciale, ils ont enlevé les blancs, donc ils pourraient être vus dans un certain sens comme les gens qui pourraient négocier, qui pourraient parler entre les forces de l'ordre et les migrants. Après, je pense, nous aussi, pour que ça faisait peur aux migrants, ils ont vu ce qui se passait aux Européens. Donc ça fait peur. Donc après, eux, ils ne résistaient plus. Ils faisaient plus de propositions. Ils ont accepté tout simplement qu'ils soient... Donc, d'être évacués. Ouais. Je n'étais pas à l'intérieur à ce moment-là, mais je pense qu'ils ont commencé à séparer les gens déjà à ce moment-là. Peut-être Seven, c'est mieux que moi, ce qui se passait à ce moment-là. Mais je sais que leur idée, c'était de séparer les gens par nationalité, donc par catégorie de bons et mauvais, ceux qui ont plus de droits de rester en France, ceux qui ont moins de droits de rester en France, et ceux qui n'ont aucun droit de rester en France, qui étaient exactement ceux qu'on voulait éviter. Justement, on a avec nous Lou Salomé, qui est avocate spécialiste en droit des réfugiés. Peut-être que tu pourrais commenter ce que vient de nous raconter Timothée sur le fait de séparer entre ceux qui ont le droit de rester en France, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui sont envoyés dans des centres. Oui. Alors, il y a en effet différents droits pour rester en France. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, et ce qui est très important, c'est qu'en aucun cas, ce sont des considérations de groupe. C'est-à-dire qu'en aucune façon, on peut déterminer à la vue si telle ou telle personne a un droit ou non de rester en France. C'est un droit individuel, le droit d'asile, je pense, ou le droit de résider en France, ce sont des droits individuels. Et donc, c'est après une appréciation de la situation de la personne et de l'individu qu'on peut déterminer si oui ou non il peut présenter une demande d'asile en France, si oui ou non il peut demander un autre type de titre de séjour, etc., etc. Donc ça passe déjà par une question d'information et ça passe ensuite par l'analyse de la situation de chacun. Pour ce qui est, vous m'interrogez sur l'accueil, le premier accueil, parce que évidemment aujourd'hui il y a des structures qui ont été créées pour permettre l'accueil. Je pense au centre de répit notamment, qui accueille des personnes pour leur permettre de déposer une demande d'asile en France ou non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui sont accueillis dans ces centres, sachant que lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile, il y a un droit fondamental à être accueilli. Donc ce type de situation en droit ne devrait pas exister, puisque toutes les personnes qui ont droit à la protection de l'asile ont droit à un logement, ont droit à l'accueil avant même qu'elles aient déposé leur demande d'asile. Et comment est-ce que, sur quels critères est-ce que justement c'est fait ça, à partir de quand est-ce qu'on rentre dans une procédure de demande d'asile? Alors, ce que je vous disais, ce qui est déjà fondamental, c'est l'information. Par exemple, avec plusieurs confrères, on intervient à Calais. Bon, c'est une situation différente. Ce qu'on constate à Calais ou dans les centres à Paris, c'est que les personnes ne sont pas informées. Si vous voulez, un droit, lorsqu'on n'a pas connaissance de ce droit, il est absolument théorique. Donc c'est absolument impossible de l'exercer. Donc déjà, la première question, c'est l'information qui aujourd'hui est inexistante et malgré les obligations qui existent en ce sens, n'est pas du tout garantie par l'État et les associations habilitées. En tout cas, pas suffisamment. Et ensuite, une fois que la personne est informée et qu'elle souhaite déposer une demande d'asile, ça passe souvent par des associations qui sont habilitées par l'État, notamment France Terre d'Asile ou d'autres associations vers lesquelles les demandeurs d'asile sont orientés. Et là, on les accompagne dans la procédure. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez long, mais il y a déjà une procédure qui se fait devant la préfecture. Ensuite, le demandeur d'asile doit exposer les motifs pour lesquels il demande l'asile, et j'y reviendrai. Et après, il doit présenter son histoire, pour être plus simple, devant l'Office de protection des réfugiés apatrides et éventuellement, si sa demande est rejetée, devant la cour spécialisée qui est la CNDA. Les motifs de convention, pourquoi est-ce qu'on est protégé en France en tant que demandeur d'asile? Il y a deux grands types de protection. Il y a une protection qui est une protection plus individuelle, qui est le statut de réfugié, auquel on pense très rapidement, qui est actionnée pour des motifs politiques, des motifs ethniques, des motifs de nationalité, d'appartenance à un groupe social. C'est par exemple les femmes qui sont exposées aux mutilations génitales. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre histoire, vous, individu. Et il y a une autre type de protection qui s'appelle la protection subsidiaire, qui, elle, est une protection beaucoup plus générale. C'est une protection qui s'active notamment dans les zones de conflits armée interne ou internationale. Pour être plus précise, c'est par exemple aujourd'hui la protection qu'on donne à de nombreux Afghans à de nombreux Soudanais, à de nombreux Syriens. C'est quasiment automatique, puisque là, il ne s'agit pas d'expliquer votre histoire personnelle, mais il s'agit d'établir que telle ou telle zone du monde est en situation de conflit armé. Il me semble, Timothy, que vous faites un appel à un rassemblement, à soutien demain. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Demain, on fait un appel à soutien aux migrants expulsés du lycée Jean Jaurès devant la préfecture de Paris. Point de rassemblement, c'est le métro Cité à 17h. Pour soutenir les droits des migrants, pour demander des papiers pour les migrants, mais également pour les droits des sans-papiers et d'autres populations fragiles. Et ça serait vraiment très important que beaucoup de gens viennent nous soutenir les migrants avec nous. Peut-être je peux rajouter également qu'aujourd'hui, je pense bien que c'est aujourd'hui que c'est tombé les nouvelles que le préfecture de police est condamné pour plus de 135 violations de droit d'asile. Je devrais dire juste un petit mot aussi sur la population qui était dans le bâtiment. Je ne sais pas si ces informations sont courantes, mais on avait quand même pas mal de mineurs isolés. On avait des femmes, des enfants, des femmes enceintes. Justement, peut-être les premières victimes de la violence policière sont des femmes, parce que comme elles étaient devant, et comme les forces de l'ordre ont tenté de les séparer du reste des migrants, par force, mais aussi avec une violence qui faisait énormément peur à ces femmes qui ne pouvaient pas être comprises parce qu'il n'y avait pas de traducteur. Je me demande ce qui s'est passé après que nous, on est partis, parce qu'en fait, après qu'ils ont fait sortir les soutiens, qui a fait l'intervention entre et qui était de confiance de faire croire aux personnes que quelque chose de bien va se passer. Parce que qu'est-ce que c'est concrètement qu'une violation de droit d'asile ? En fait, lorsqu'on parle des violations, des 135 violations de droit d'asile, c'est souvent une violation du délai qui est imposé aux autorités pour enregistrer les demandes d'asile. Il y a eu une réforme qui est intervenue très récemment pour le droit d'asile, justement pour accélérer les procédures et surtout accélérer l'enregistrement des demandes d'asile qui doit se faire sous 3 jours. Et aujourd'hui, à Paris, par exemple, on constate que l'enregistrement de la demande d'asile intervient de 3 mois après la première présentation, ce qui est absolument illégal et ce qui a été sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions. Donc c'est ça lorsqu'on parle de violation du droit d'asile. Lorsqu'on parle de violation du droit d'asile, on parle également du risque de refoulement. C'est le risque qui est lié, par exemple, aux OQTF. Parce que le premier droit qu'on doit accorder à un demandeur d'asile, avant même la protection, c'est avant même que son statut de réfugié soit reconnu, c'est un droit à rester sur le territoire. Parce que s'il ne peut pas rester sur le territoire français en tant que demandeur d'asile, il ne peut pas devenir réfugié, il ne peut pas être protégé. Donc ça, c'est vraiment le droit, le premier droit, si vous voulez, la base du droit d'asile et qui doit être garanti. Et souvent, c'est le cas notamment lorsqu'on parle de renvoi d'Afghans, lorsqu'on parle de renvoi de Soudanais, des renvois secs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas pu présenter et leur de demande d'asile et leur demande n'a pas été instruite par les autorités. Justement, hier, il y en a eu des OQTF qui ont été émises, non ? Oui, on ne sait pas exactement combien maintenant. J'ai entendu parler de 22 jusqu'à maintenant officiellement. Les informations que nous, on a eues cet après-midi d'autres migrants qui sont sur le terrain, on commence à compter, on essaie de mettre tous ensemble dans les listes pour qu'on puisse les mettre en contact avec nos avocats. Alors vous me disiez que ces personnes donc, avaient été pour la plupart orientées vers des centres d'accueil et d'hébergement, mais qu'elles revenaient déjà en partie à Paris parce qu'elles étaient mécontentes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Je connais pas vraiment tous les cas, mais je sais que par exemple il y a un groupe qui était envoyé à Dijon. Ils sont déjà de nouveau à Paris. Il y a des gens qui sont très loin de Paris, en région parisienne, où ils ont besoin de plus de 2 heures pour venir sur Paris. ils ne vont pas pouvoir rester là-bas. Je peux parler les situations actuellement ici, dans ce cas, je n'ai pas encore étudié, mais je peux parler du dernier évacuation de Stalingrad, en fait, c'était Stalingrad 2, où je suis allé visiter un centre d'hébergement près de Meaux, où les gens étaient à 40 minutes à pied du gare RER, dans un hôtel F1, où ils ne pouvaient pas manger, donc il n'y avait pas de cuisine, et il n'y avait pas de machine pour laver les habits, ils ne pouvaient pas tendre le linge sur les cordes pour le faire sécher parce que le propriétaire avait peur que ça fait baisser la qualité de l'hôtel. Ils ont reçu la première semaine des chèques nourriture et hygiène du SAMU pour 6 euros par jour. Et dans la région, ils ne pouvaient pas manger pour moins de 8 euros, comme ils ne pouvaient pas cuisiner eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils nous expliquaient qu'ils étaient obligés de choisir entre acheter du savon ou acheter à manger. Et deuxièmement, ils étaient obligés de revenir sur Paris tous les jours pour manger, parce qu'ils ne pouvaient pas avec 6 euros. Et pour revenir sur Paris, ils étaient obligés de prendre le train. Ils n'avaient pas de ticket de métro ni de ticket de transport, donc ils étaient chaque jour obligés de prendre le train deux fois, illégal. Donc ils risquaient chaque fois d'être arrêtés pour violation du train. Moi, une militante qui était devant le squat à Jaurès lorsque j'y suis passée lundi soir, qui était très impliquée notamment dans l'association Droit Devant, m'a dit que ça faisait 20 ans qu'elle travaillait avec des populations, notamment en demande d'asile, et que la situation s'était empirée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Lou Salomé ? Alors, la situation s'est empirée, oui et non. C'est-à-dire que, les structures sont saturées, les moyens sont insuffisants. On le voit à Calais. Calais, c'est un bidonville à ciel ouvert. Solidarité internationale a dû vous en parler, qui est contraire à toutes les normes de camps de réfugiés qui existent dans les pays du tiers-monde. Là, on est en France, à 1h30 en train de Paris. Donc oui, évidemment, il y a une action de l'État qui est insuffisante. Maintenant, je pense que cette action insuffisante et cette espèce crise générale qu'on qualifie comme telle des réfugiés ne devrait pas être prise comme telle parce que si vous comparez la situation de la France, par exemple, avec celle du Liban ou de la Turquie, si vous prenez un peu de hauteur avec la situation, le nombre de personnes qu'on accueille en France est dérisoire par rapport aux capacités qu'on devrait avoir. Donc si vous voulez, c'est pas que la situation se détériore. Non, elle ne se détériore pas. C'est juste que les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur. Ils ne l'ont jamais vraiment été. Et là, oui, il y a plus de personnes qui arrivent. Je veux dire, les chiffres sont là. Il y a plus de demandes d'asile en France, les chiffres sont là, mais on a des capacités beaucoup plus importantes, on devrait avoir des capacités beaucoup plus importantes pour accueillir, protéger ces populations vulnérables. Et je pense que si on utilisait la moitié de l'argent qui est dépensé pour les faire souffrir, pour une politique raciste, si on utilisait juste la moitié de cet argent, on n'aurait pas eu de problème. On met en œuvre une guerre contre les migrants, comme on fait contre les Roms, qui coûte une fortune. Là, on parle de 300 personnes à Calais, on parle de 4000 au mois de juillet, c'était 6000 personnes. Au Liban, c'est 2 millions. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses qui devraient être réglées très très facilement. Donc il y a cette politique qui est mise en œuvre qui s'appelle la politique de l'appel d'air, c'est-à-dire on ne doit pas garantir des conditions d'accueil dignes pour ne pas faire venir plus de personnes, ce qui est absolument erroné en toute logique, puisque si vous fuyez la guerre et si vous traversez la Méditerranée sur un canot, ça veut dire que vous n'avez aucune considération pour les conditions d'accueil dans lesquelles vous allez être dans lesquelles vous allez arriver. Donc ne pas garantir des conditions d'accueil dignes ne permet en aucun cas de diminuer le flux des réfugiés qui arrivent en France. Et est-ce que la France, en tant que pays, a des obligations au regard d'une juridiction internationale vis-à-vis notamment de personnes qui sont en situation de demande d'asile ou qui sont en situation de fuite de guerre ? Absolument. Alors il y a la CJUE, puisque en matière d'asile, c'est beaucoup de textes européens, donc la Cour de justice de l'Union européenne. La France est responsable devant cette cour. Bon, après, c'est assez compliqué d'engager la responsabilité d'un État devant la Cour de justice. Mais surtout, c'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a plusieurs articles de la Convention des droits de l'homme qui s'appliquent et qui sont appliqués de manière constante par la Cour pour protéger le droit des réfugiés, pour protéger le droit des réfugiés contre un refoulement vers un pays dans lequel ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, et pour surtout leur garantir des conditions d'accueil dignes en France. Et vous, en tant que justement membre actif d'un collectif, comment est-ce que vous pouvez faire levier Comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ces leviers juridiques ? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez solliciter avec l'aide d'avocats ou est-ce que, en tant que collectif, votre seul soutien en fait, que vous pouvez apporter à ces populations réfugiées, c'est aller ouvrir des lieux, les soutenir en cas d'expulsion ? Non. Pas du tout. Comme je vous avais déjà dit, il y a quand même une équipe d'avocats qui est là pour aider les migrants à faire valoriser leurs droits, à faire avancer les choses avec le papier pour que ça va plus vite. C'est sûr qu'on a devant nous un État qui ralentisse tout, les rendez-vous, les temps d'ouverture des bureaux deviennent de plus en plus rares, de plus en plus difficiles. Au lieu d'aller dans un autre sens, de rendre les choses plus faciles, vu qu'il y a une population de plus en plus grande de migrants, ils vont dans l'autre sens pour rendre les choses le plus difficiles possible, pour que ça devienne insoutenable de venir en France, pour décourager les gens de rester en France. Donc c'est une politique de négation d'une situation au lieu d'accepter. Et donc, donc votre collectif, la Chapelle Debout, comment est-ce que vous informez les gens qui sont intéressés par vos actions, qui voudraient rejoindre votre collectif, qui voudraient agir et faire quelque chose ? Bonne question. Mais c'est important parce que j'en connais beaucoup des gens en fait qui disent on voudrait faire quelque chose et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment. Ils pouvaient nous contacter tout simplement par notre adresse mail. On avait prévu de faire un rendez-vous hier après-midi, mais en fait, c'était pas possible parce qu'on était un peu trop usé. Donc, on a dû annuler le rendez-vous. Donc, je pense qu'on va faire très bientôt un rendez-vous de bienvenue aux gens. Donc, ce serait à ce moment-là peut-être une très bonne occasion de prendre contact avec nous. Et justement, peut-être pour revenir à Seven, toi, tu es là, tu as été là donc, depuis un mois à Stalingrad, en tant que... pas un mois, pendant combien de temps ? Mais est-ce que tu peux me dire combien de temps est-ce que tu es resté ? Et peut-être aussi, si rapidement, tu avais quelque chose à dire d'un point de vue ton ressenti aussi, de quelqu'un qui a observé, participé à tout ça ? Moi, je suis Seven, en fait. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec les migrants. Je suis la seule personne qui dort avec eux. Qui vit au quotidien avec eux. Ils se sont fait marrer certains. Il faudrait que je me teste. Quoi. Bah, tiens. Bon, donc on va peut-être passer à l'AG et puis on reviendra. Alors il faut dire qu'en fait l'Assemblée Générale est illégale depuis 22h, donc à 22h il y a quelqu'un les gens qui étaient au micro ont coupé la sono pour respecter les conditions posées par la préfecture de police de Paris, donc le son a été coupé quelques secondes, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui s'est relevé pour le rallumer, donc ça fait, voilà, il est 22h56, ça fait une heure que l'Assemblée Générale continue malgré l'interdiction, donc on va aller l'écouter et on reviendra tout à l'heure sur le plateau de Radio Debout. Voilà, on va passer tout de suite à l'Assemblée Générale en direct de la place de la République. Radio Debout. On est là et demain on vous raconte ce qu'on est en train de faire à Grenoble, et quand on parle de mouvement dur, nous aussi on le fait. On le fait jour et nuit. On est là, il n'y a pas d'autorisation jusqu'à 22h, nous on le fait. Et du coup, on se confronte à des trucs, on vous expliquera demain, mais c'est un petit peu difficile. C'est pas toujours facile. Bref, moi mon témoignage, il va avoir un rapport avec le 18 mai. J'étais ici en décembre, j'étais ici juste avant l'ouverture de la COP. J'étais ici pendant les attentats et j'étais ici juste avant l'ouverture de la COP. C'était un 21 quelque chose, je faisais la chaîne humaine avec Alternativa. J'étais juste là, à 100 mètres. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il faut que j'aille place de la République parce que c'est à 100 mètres de chez moi et j'en ai marre que les médias me racontent ce que je pourrais voir de mes propres yeux. Donc du coup, j'y suis allée. J'y suis allée, ça a pris du temps, j'ai vu des gens se faire gazer, j'ai fait le clown, ensuite on a fait une putain de chaîne humaine autour de la statue de la République pour protéger les bougies qui avaient été déposées pour Charlie et pour les autres. Et donc on était là. Bon, mon petit problème, c'est que j'ai été prise en garde à vue. Donc du coup, j'ai fait 24 heures de garde à vue, on était avec 317 camarades. Les conditions de rétention étaient un petit peu particulières. Du coup, on était 18 filles dans une petite cellule. Il y avait des zadistes, des antispécistes, des écologistes, des anarchistes, des communistes. Il y avait tout. C'était une vraie convergence des luttes et on était tous derrière des barreaux. Vraiment. Et ça, c'était beau. C'était déjà un premier truc. J'y ai passé 24 heures et donc du coup, vers 9 heures du matin, après avoir vu mon avocat, commis d'office, qui m'a un petit peu dragué, il était mignon, enfin bon, voilà. Après avoir vu le médecin qui avait constaté que j'avais une grenade et un bleu comme ça sur mon genou parce que j'avais décidé de faire la clown alors que j'y connaissais rien du tout. Et ben du coup, j'ai eu mon officier de police judiciaire, c'était une fille, c'était dans un commissariat que je ne nommerai pas ici parce que j'ai pas envie de la mettre dans la merde. Mais donc du coup, cette fille-là et moi, on a un petit peu discuté. Et c'est moi qui l'ai écoutée. Cette fille-là, policière, officier de police judiciaire, elle m'a dit à la fin de mon entretien, « Vous inquiétez pas, mademoiselle, ça fera bien sur votre CV militant. » Cette fille-là, j'ai passé une nuit en garde à vue, elle était censée prendre mon procès verbal, elle m'a aidée à le rédiger, et elle était là, « Ça fera bien sur votre CV militant, mademoiselle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Moi, je suis juste là pour témoigner d'un truc. C'est que les flics sont pas tous pareils. Et qu'il faut juste pas qu'on généralise et qu'on soit raciste entre nous et qu'un flic égale je sais pas quoi. Non, en vrai, le 18 mai, il faut être malin. Il faut complexifier un petit peu le regard parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils. Et qu'il y a des gens qui sont engagés dans la police pour des raisons qui leur sont personnelles, pour un vrai engagement. Et je sais très bien ce que ça veut dire que le syndicat Alliance, je le sais, on le sait tous, mais il va falloir être plus malin que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe, deuxième témoignage, quand la police est de notre côté? C'est qu'il se passe des trucs de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? C'est juste que la police, à un moment, le corps de la violence légitime, il s'est posé des questions. Et chez nous, notre police, elle est fébrile. Elle ne taperait pas aussi fort si elle n'était pas un petit peu fébrile. Elle ne manifesterait pas. Parce qu'ils veulent manifester ici, le 18, mais ils ont déjà manifesté avant. Et moi, je suis allée dans un commissariat, j'y ai passé mon procès verbal. Et les mecs, enfin, je souhaite à personne de travailler dans des conditions aussi peu feng shui que ça. C'est dur. Je vous jure, c'est dur. J'ai fait mes photos, j'ai fait tout ça. Et ben putain, je souhaite à personne. Moi, je suis bac plus 5, tout va bien. Je serai dans un bureau sympa. Mais je souhaite à personne de travailler là-dedans. Un commissariat, c'est dur aussi. Et donc, du coup, complexifions le regard. On est là pour ça. On est là pour tous s'entendre. On est là pour tous être malins. Et l'intelligence collective, c'est ça. C'est trouver le petit truc entre les deux. Et voilà, on fait quelque chose. Donc le 18, soyons intelligents. Alors JP du coup, JP revient, sois pas fâché JP, il est où JP? Alors s'il vous plaît, là c'est bien après 10h, 22h, donc du coup ce serait bien qu'on s'assoie tous pour faire un sitting et pour dire voilà, on résiste, on est là, on est tous ensemble, donc asseyez-vous ceux qui sont sur les côtés, ça serait bien, et ceux au fond là-bas. JP, il est parti JP? JP une fois, JP deux fois, JP trois fois, JPP maintenant. Bon ben JP n'arrive pas, alors on reprend le plateau sur Radio Debout. On va faire un petit point assez rapide en fait. Il n'y a pas eu de censure, il n'y a eu aucune censure. Juste il y a eu, on est un peu fatigué. On n'était pas du tout en train de censurer Steven. Il a mal interprété quelque chose qui s'est passé autour de la table et il est parti. Alors on le cherche parce qu'on veut le faire parler, mais voilà. Donc s'il revient, il reviendra vous parler, vous raconter son expérience à lui. mais on n'est absolument pas dans la censure ni dans le contrôle de la parole, évidemment, vous pensez bien. Mais il faut imaginer aussi qu'on est la nuit, on a notre petit fluo, on ne voit pas grand-chose, on est massé autour des ordinateurs, de la table de mixage, les micros, tout ça, on ne se voit pas très bien. On commence à avoir froid et voilà, donc... tout va bien, on cherche Seven, s'il ne revient pas ce soir, il reviendra demain, ne vous inquiétez pas. Et bah voilà, on va clore ce plateau avec Timothée donc, du collectif La Chapelle Debout et Lou Salomé Sorlin, donc une avocate spécialisée dans le droit des réfugiés. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté ce soir. Et vous avez quelque chose à ajouter, un appel, une dernière idée que vous auriez voulu partager avec nous ce soir? Moi, je vais juste répéter effectivement l'appel pour demain, pour le rassemblement devant la préfecture de Paris pour soutenir les migrants expulsés du lycée Jean Jaurès et pour manifester les droits des migrants et pour un point qui est très important, c'est un rendez-vous entre le préfet et les migrants expulsés, qui est très important pour que les migrants eux-mêmes parlent avec le préfet et pour que les choses soient expliquées clairement. Merci Timothée. Et Lou Salomé ? Oui, un appel collectif, parce qu'il ne faut pas oublier que toute action individuelle qui permet d'aider des personnes, des individus, est utile à Calais, partout en France, à Paris, et des réfugiés, il y en a partout en France. Donc oui, un appel individuel. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Sans transition, toujours sur Radio Debout, on va écouter la troisième partie d'un reportage qui a été fait à Bruxelles, sur la Nuit Debout à Bruxelles, et qui nous a été envoyé par Caroline et Pieter. C'est parti. Participer à une pollution, parce que je pense qu'on n'aura pas deux fois cette chance-là dans notre vie, et je pense que c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc je vous invite tous à venir vendredi prochain. Il y a une nouvelle action Free 5-4, ça se passe sur la place Sainte-Catherine. Il va y aussi y avoir une mini-assemblée générale sur le sujet de l'espace public à Bruxelles. Voilà, et c'est une action où il y aura déjà au moins 2000, 3000 personnes. Au plus on est, au plus ce sera puissant parce que c'est en train de marcher. On a des dossiers, on a des avocats aussi qui sont derrière notre cause. Et on essaye vraiment de faire passer ça. Et ce n'est pas une cause perdue, vraiment pas pour le moment. Donc je vous invite tous à venir parce que c'est aussi important vraiment d'essayer de garder nos petites places. Et ici, c'est un espace public, il est encore très propre à nous, on peut l'utiliser. Mais il y a d'autres places qui sont de moins en moins publiques, comme la place Sainte-Catherine, où ils chassent vraiment les jeunes et les citoyens. Ils veulent fermer les Pakistanais, les petits night shops autour de la place où on consomme sur les terrasses, mais la bière sur une terrasse, c'est plus que 3 euros. Dans un Pakistanais, c'est 1 euro, par exemple. Donc, c'est juste un exemple de tout ce que ça amène, cette privatisation des places. Donc, je vous invite tous à venir. C'est vendredi à partir de 19h. Et il y aura plein de petits trucs, des slams, des trucs d'art. Voilà. Pour améliorer le monde et discuter avec tout ça, pour remonter l'ambiance. Et tu penses quoi de l'ambiance ici, du coup ? C'est chouette. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est bien. Il faut remonter l'ambiance et discuter, continuer à discuter. Et je trouve que c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça la politique, en fait. Ouais. Ouais. Super. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose ? Quoi ? Tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça va. Tu voudrais qu'il y ait plus d'enfants ici ou pas ? Ouais, ouais, quand même. Ce serait bien qu'il y ait... plus d'enfants pour s'amuser et plus de graffeurs, parce que là-bas, on a des mouvements de graffiti, on s'est mis sur le mur, on parle de la discussion ici, parler quoi. Oui, c'est bien qu'il y ait d'autres choses que de parler. Ouais. Ah là, c'est s'exprimer sur le mur qui est là, pas pour rien, et c'est un bien fait pour quoi. Radio debout. Radio debout. Il faut se rapprocher ici. Radio debout. Passe à l'Assemblée Générale. Ouais. Wesh gros. Alors après, c'est Marco. Marc. Bon, je voulais réagir à quelques propos clivants là, qui divisent de manière un petit peu réductrice, à laquelle la camarade grenobloise a déjà pas mal, plutôt bien répondu dans le bon sens. Donc il y en a un qui parlait des syndicats qui aux Invalides auraient lâché les manifestants. Bon, il se trouve que les syndicats, ils étaient là de midi à 14h et qui repartaient au boulot après, donc c'est de la connerie. D'ailleurs, il y a des gars du Havre qui sont restés un peu plus longtemps et qui avaient un bus qui partait, donc ils sont partis. Bon voilà, c'est juste classique. Donc nous mettre les syndicats à dos, c'est pas une super bonne idée. Bon après, la même personne a fait un procès d'intention au syndicat de la police qui serait aux ordres de Cazeneuve. Bon, bah, il imagine ce qu'il veut. Moi, j'en sais rien du tout. Bon, il se trouve qu'ils seront là et que je pense qu'il y en a certains qui sont là aussi parce qu'ils veulent manifester. Bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent raconter, peu importe. Il disait que c'est pas des gens comme les autres, effectivement. Ils sont là. Peut-être que certains ont cru sincèrement qu'ils venaient là pour protéger la République. Et aujourd'hui, la question que je pense un certain nombre d'entre eux se posent, et notamment la CGT Police qui fait des communiqués intéressants. Certains de des policiers se posent la question aujourd'hui, quelle est la République qu'on défend? Et je pense que ce serait bien de discuter au moins avec ces gens-là, quoi. Après, mettre dans le même sac un groupe de population, que ce soit la police ou n'importe qui, ou les intellectuels, il y en a toujours qui trouveront à mettre dans le même sac un certain nombre de personnes. Il se trouve qu'on a tous un parcours humain qui nous amène à un endroit particulier et qu'on a tous la chance de réfléchir et de changer à un moment donné, de se remettre en question et d'aller dans une autre direction, quoi. Laissons-leur la chance et arrêtons de nous déviser. C'est tout ce que je voulais dire. Romain ! Il y a un Romain dans la salle ? Il n'y a pas de salle, mais il y a un Romain ? Ouais, juste assez rapidement, je voulais juste témoigner d'un petit truc que j'ai vu ce matin. 1, 2. Ouais, je voulais juste témoigner d'un truc que j'ai vu ce matin aux abords de la place de la République. Il y avait deux personnes qui cherchaient à ramener du matos au niveau de la place. On ne voit rien là au niveau de la caméra, hein, si c'est ça la question. Je peux la baisser si ça vous fait plaisir. Donc. D'ailleurs, on peut en parler après. Par contre, voilà, cette personne, en gros, avait un casque et des lunettes. Puisque là, vous avez sans doute... les gens qui ont eu un sac ont sûrement eu le même problème de se faire fouiller. Et la personne n'a pas pu... Enfin, pouvait pas rentrer si jamais elle ne laissait pas son casque et ses lunettes aux policiers avant de rentrer. Avec l'état d'urgence, à partir du moment... Enfin, du coup, je suis allé voir la commission avocat pour savoir s'ils avaient le droit, tout simplement. Alors, il y a plusieurs choses. Et moi, on m'a répondu, à partir du moment où on se cache, Le visage, c'est interdit au niveau de la loi. Donc ça, ça peut être une des raisons. Mais en même temps, un casque de vélo et un masque de surf indépendamment, bon, à voir, quoi. Et une autre chose, en gros, c'est que tout objet suspicieux de pouvoir être utile à faire de la manifestation peut être confisqué. Donc, à ce moment-là, hein, les lunettes de soleil, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être confisquées. Hein. Comment réagir à ça par rapport, justement, là, à la manifestation de la police ? Si jamais il y a des débordements, mais qu'on applique ça à tout le monde, ça veut dire que, tout simplement, on a le droit de se prendre des lacrymos et autres sans protection. Voilà, c'était juste pour faire ce témoignage de ce matin que j'ai trouvé ça quand même assez scandaleux. Voilà. Alors la police, ils y prennent les lunettes de soleil pour une arme défensive. Ah, c'est vrai, hein ? Alors Romain, non, c'est vrai, pardon. Fabien ! Fabien ! Fabien ! Fabien une fois, Fabien deux fois, Fabien trois fois. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Quentin ! Quentin ! Deux fois, trois fois, Quentin, radio bordel debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout. C'est la radio debout. Fabien, Quentin, vous attendez à l'AG, vous n'êtes pas venu, alors Radio Debout est là. On n'est pas au coin du feu, on est au centre des guirlandes, une guitare s'allume à côté de moi. On est avec Baltimore, toujours sur Radio Debout en direct. Bonsoir, Baltimore, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui es-tu ? Dis-nous. Eh bien, moi, je suis musicien. J'ai un projet solo qui s'appelle Baltimore. Je joue également au sein d'un groupe qui s'appelle Sol Diez. Et ben, j'ai suivi le mouvement depuis le début assez attentivement. Et voilà, et je continue à supporter cette belle initiative. Et d'ailleurs, bravo à Radio Debout d'avoir couvert ça comme ils l'ont fait depuis le début. Et donc, tu n'es pas policier ? Et non, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Hein. Alors raconte-nous, parce que tu me racontais en antenne une petite anecdote assez rigolote. La nuit, tous les chats sont gris. Non, mais c'est vrai qu'au début du mouvement, enfin, moi, comme je disais, je soutiens le mouvement. Le but, c'est pas de décrédibiliser ou d'être négatif pour rien. Hein, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a tout un tas de personnes qui ont voulu peut-être infiltrer différentes initiatives du processus depuis son début. Et ça a pu susciter différentes méfiantes. Et moi, en fait, à un moment donné où j'ai voulu me greffer sur un plan, j'ai voulu aider en fait, à organiser un concert dans les premiers jours. Je crois que c'était le premier week-end qui a suivi le démarrage du mouvement. Et à vouloir trop bien faire et à vouloir à poser des questions lors d'une espèce de réunion pour préparer justement ce qui allait se passer le lendemain, à savoir monter une scène rapidement, faire venir rapidement du monde pour pas se faire déloger par les keufs et apporter du matos, etc., gérer qui joue, à quel moment, voilà. En fait, j'ai été un peu trop. J'ai voulu trop bien faire, j'ai posé des questions et on m'a pris pour un flic en fait. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé de manière assez désagréable et qui m'a cuisiné en me posant des questions, et tel point qu'à un moment donné, je comprenais plus. Je disais, mais il y a un problème, je devrais pas être là. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, vous voulez pas de mon aide. Enfin, et puis carrément, au bout d'un moment, il y a un gars qui est venu me voir qui m'a fait écoute, c'est gentil, tu nous as laissé tes coordonnées, tout ça. Apparemment, tu peux prêter du matos, tout ça, mais en fait, on pense que t'es un keuf. Et là, j'étais sur le cul, ça m'a un peu refroidi, je dois dire. On a un scoop, Baltimore n'est pas policier, Baltimore voilà. Chante et toujours suit le mouvement. Et là, depuis le début, c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais. Sur Radio Debout. Et comment est-ce que tu conçois... Ah, je crois qu'on n'est plus à l'antenne, mais on va continuer quand même. Comment est-ce que tu conçois en fait, le travail du musicien dans un mouvement comme Nuit Debout ? Je disais juste une chose assez simple, je pense que le musicien dans ce genre de mouvement, il a deux rôles. Le premier, c'est le plus simple, on va dire récréatif, où on va pouvoir offrir une pause à différentes personnes après qu'ils aient pu débattre, après qu'ils aient pu échanger des idées. Et voilà, on va pouvoir apporter un soutien par voilà, une espèce de récréation sonore musicale. Mais l'autre rôle du musicien qui peut être plus intéressant, ça va être de pouvoir participer en amenant directement du, des propositions ou une certaine critique de la société dans ses, dans ses, dans ses chansons, dans, dans ses paroles. Et autre chose, c'est vrai que moi, mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est que quand on est musicien, bah, finalement, on passe beaucoup de temps, à, un peu comme un entrepreneur, à développer son projet et à se consacrer à soi-même avant tout, même si, ben, évidemment, c'est... faire de la musique, c'est pour le partager, c'est aussi quelque chose d'altruiste, mais quand on a des convictions, qu'on a une conscience politique et qu'on voit l'état de la France aujourd'hui, l'état de, du monde, même plus globalement, on est, enfin, moi je suis très souvent partagé en conflit avec moi-même, et parce que je voudrais participer plus, je voudrais être, je voudrais militer, je voudrais être plus activiste, et voilà, et donc j'aime énormément les occasions où je peux être musicien, exercer en fait mon art au service d'une cause, par exemple parce que je vais reprendre des chansons célèbres dont les paroles sont très communicatives. Par exemple, là, j'ai l'intention de chanter certains mots de Bob Marley qui résonnent encore aujourd'hui, même s'il les a écrits il y a 30 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'en tant que musicien, on a toujours un peu ce conflit-là. Est-ce que je m'engage ou est-ce que je me consacre uniquement au côté artistique? Et dans tes compositions, tu écris aussi à cet endroit-là de la lutte ou tu réfléchis au monde? Comment ça se passe? À quel endroit tu pars dans tes compositions à toi? Oui, c'est vrai que moi, il y a quelques années, j'écrivais beaucoup plus de textes engagés qu'aujourd'hui. C'est lié aux différentes tournures artistiques que j'ai prises. Non, c'est vrai que... Le problème, c'est que l'inspiration n'est pas toujours commandée. En fait, elle vient un peu comme elle vient. Et parfois, on est pris au trip par une injustice et on a envie d'y répondre en écrivant une chanson. Puis, malheureusement, on n'arrive pas à aller au bout. Et d'autres fois, ça vient spontanément et on écrit quelque chose dont on est content et qui parle aux gens en général. C'est vrai que ça se commande pas trop, quoi. Le fait de prendre la parole artistiquement pour exprimer, pour faire avancer une cause, entre guillemets, quoi. C'est feeling, quoi, c'est spontané en fait, comme ce mouvement finalement. Voilà, c'est ça, et de toute façon, c'est du spontané que découlent, que naissent les plus belles choses en général. Ça, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir d'une composition de ton cru? Tu disais tout à l'heure, comment s'appelle la chanson, c'est quoi? Oui, alors je voulais chanter une première chanson, c'est Rise and Shine, c'est une composition que j'ai fait. Alors on va reprendre, alors attendez, parce que du coup on est en fait à l'antenne d'urgence, donc on va, le temps de que la technique se remette en place, on va, tu vas nous expliquer, vas-y, ouais. Je t'en prie, excuse-moi. Non, j'allais chanter une chanson qui s'appelle Rise and Shine et qui parle justement de la volonté de profiter de la vie pendant qu'elle est là, de vouloir s'émanciper et en même temps du sentiment que dans la société dans laquelle on vit, avec cette vitesse qui est devenue incontrôlable, où on est pris dans un mouvement, il faut aller toujours plus vite, de plus en plus vite, on a un processus médiatique, un agenda médiatique qui est infernal, on passe d'un sujet à l'autre en permanence, on n'a jamais le temps de se poser. Donc finalement, voilà, c'est aussi une chanson qui évoque le fait qu'on est tous pris dans cette pulsion qui découle un peu de la philosophie néolibérale où il faut toujours aller plus vite. Et voilà, c'est un peu l'idéologie productiviste. Et donc, nous-mêmes, dans nos vies, même si on n'est pas forcément politisé, engagé, on est un peu dans cette forme de course après le temps pour vivre un maximum d'expérience avant qu'il soit trop tard, qu'on dépérisse. Exactement. Eh bien, on va t'écouter, mais avant ça, il y a Sophie qui a un petit message à passer. Oui, j'ai une petite annonce à faire. En fait, on a retrouvé Seven sur la place de la République, mais il va faire l'ouverture de l'antenne demain à 8h. Voilà, on le retrouve demain à 8h à l'ouverture de l'antenne. Merci Sophie. Et donc, maintenant, c'est parti pour Baltimore. En live, en direct, sur Radio Debout. Tomorrow we go to see the world. We leave everything behind. We want nothing in return. But the moving landscape on each side, all comes so far. I need to fit three lives into mine. I've come so far. Now is the time to rise and shine. Oh, come so far. I need to feed three lives into mine. Oh, come so fast. Now is the time. To see the world, no certainty in mind. Down to ashes with her. Any kind of binding time, yeah, I'll come so far. So far, now is the time to rise and shine. Oh, come so fast. I need to feed three lives into mine. Oh, come so fast. Now is the time. Oh, come so far. Oh, come so far. And shine. Time to rise and shine. Oh, come so far. I need to feed three lives into mine. Oh, come so far. Now is the time. Merci beaucoup Baltimore, en direct de la place de la République, on dirait pas, mais oui, on est bien en direct sous une bâche avec Baltimore et toute l'équipe de Radio Debout. Et je passe la parole à Clément qui va annoncer. Et oui, on va repartir du côté de l'Assemblée Générale qui continue malgré l'interdiction, en fait, parce que l'Assemblée Générale était légale jusqu'à 22h, ça fait une heure et demie qu'elle continue malgré tout. Donc on va aller écouter ce qui se passe à quelques mètres de nous, hein, du côté de l'Assemblée Générale de la place de la République à Paris. En mettant les moyens, c'est approprié, quand ça peut être comprise par une bonne partie de l'opinion publique, why not, pourquoi pas. Par contre, je pense que dans l'affrontement militaire direct, on ne sera jamais les plus forts dans l'état actuel. Bon, quand on aura 2 millions de grévistes ou 8 millions comme en 1968 derrière et des organisations, peut-être ça se discute, mais là, dans l'état actuel, je plaide pour l'intelligence politique, mais pas pour la non-violence naïve et morale, non. Bonsoir. Bah, on doit être violent parce qu'on était des pacifistes, mais quand même, ils nous ont gazé, ils nous ont matraqué, ils nous ont tout fait. Ils nous font la misère, on doit faire la misère. On doit casser tout ici. On doit niquer la police. On encule la police. Il y a encore quelqu'un qui veut réagir sur sa limite dans l'échelle de la violence ou pas ? Moi, je voudrais, désolé en tant que com, demander si 2, 3 ou 4 femmes ont quelque chose à dire là-dessus et de bien vouloir venir le dire. Bonjour. Alors, contre la violence qu'il peut y avoir lors de manifestations, pourquoi ne pas faire un sitting ? Ils ne pourront pas nous confondre avec des casseurs à partir du moment où on est assis. Donc, et ça donnera envie à beaucoup, beaucoup de gens de venir en disant on fait quelque chose de pacifique, on est assis là. Qu'est-ce que vous voulez ? Que les flics nous chargent ? Ils ne le feront pas. Donc, si certains ont besoin de violence, qu'ils aillent défouler leur violence quelque part. Mais moi, je ne suis pas violente et je ne prône pas la violence. Merci, madame. Bonjour. Moi, je veux dire, par rapport au fait d'être assis et de ne pas être chargé après par les flics, j'y crois assez moyennement que rester assis empêchera les flics de charger qui que ce soit. Mais par contre, je trouve ça vachement intéressant qu'il y ait ce genre d'initiative parce que ça montre qu'il y a des gens qui n'ont pas le même rapport à la violence policière. Il y a des gens qui ont des backgrounds différents ici. Il y en a qui ont bavé toute leur vie et il y en a qui n'ont jamais vu ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des familles, des gens de partout qui se rendent compte de ce que ça peut être la violence policière. Chez moi, ça avait vraiment été un déclic. Et je pense qu'au-delà de dire si c'est bien ou si c'est mal, il y a aussi l'idée que ça fait réfléchir. Sur le plateau de Radio Debout, et avant de revenir avec Baltimore, je ne sais pas, on pense peut-être qu'on a eu un petit problème technique, dont je refais mon annonce de tout à l'heure, pour vous dire qu'on a bien retrouvé Seven sur la place de la République, et qu'il va revenir nous parler demain en ouverture d'antenne à 8h, donc... à vos ordinateurs, vos téléphones, tout ça. Et avant de vous dire à demain, on retourne avec Baltimore. Alors, Baltimore, toujours là. Toujours là, toujours. Ça va ? Ouais. Ouais, toujours bien installé. Ouais, tranquille. En direct sur Radio Debout. Là, maintenant, tu nous parlais de ça tout à l'heure. Tu voulais chanter un medley. Ouais, je voulais chanter un petit medley de différentes chansons de Bob Marley. Enfin... trois en fait pour être précis, et c'est des paroles qui collent énormément avec le mouvement, qui parlent d'émancipation, évidemment on sait bien les thématiques que portait Bob Marley, donc voilà, plutôt que de faire que des choses à moi, je me suis dit que ça parlerait sûrement beaucoup plus aux auditeurs de Radio Debout et aux... Tout nous parle. Et dans l'ensemble aux activistes de la Nuit Debout. Alors voilà. C'est parti, on y va. C'est parti. T'inquiète. Allez, on y est. Until the philosopher, which old one raised superior in another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned, when everywhere is war, Mr. War. And until there's no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eye, I've got to say war, yeah. Until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, Mr. War. And until that day, dreams of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Everywhere is war, Mr. War, yeah. On reprend au téléphone l'antenne de secours de Radio Debout. L'électricité vient de couper, on est toujours avec Baltimore. Et on est en voie. We don't need, oh no, no, no, no, no, no more trouble. We don't need, oh no, no, no, no, no, no more trouble. No more trouble, no more trouble. Hey, we're gonna change those crazy bullets out of town. Oh, oh, change those crazy bullets out of town. I and I build a cabin, I and I plan to go. Needed my people before me, slave for this country. Now you look me with that scar, then you eat up all my corn. We're gonna chase those crazy, chase those crazy, chase those crazy baller, chase those crazy bumper, chase those crazy baller out of town. Build your penitentiary, we build your school. Brainwash education, it's right to make us the fool. Hate is the reward for our law, telling us all you got about. We're gonna chase those crazy ballers out of town. Yeah, yeah, yeah. Chase those crazy ballers out of town. We don't need. Everywhere is war. Bravo, bravo, c'est l'artiste. Bravo. Toujours en direct sur Radio Debout, on vient d'écouter Baltimore qui nous a fait un petit medley des chansons de Bob Marley. Et je crois que... On va finir peut-être là-dessus. On va finir là-dessus. Mais on revient demain. Mais on revient demain comme tous les jours, quoi. À 8h, enfin à 20h demain, avec Seven qui sera là. Avec Seven à 20h. Qui fait donc l'ouverture d'antenne. Il revient demain, Seven. Seven revient. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci au staff Radio Debout. À merci toute la folle équipe de Radio Debout, à la logistique, oui. À tous les gens sur cette belle merci place. Merci à la logistique. Merci à Baltimore. Et bonne nuit.